C'est fini pour ce soir. Merci pour cette semaine. On se régale avec vous tous les soirs sur Fun Radio de 20h à 23h. On sera de retour lundi soir, bien sûr, avec vous tous. N'hésitez pas à aller liker pendant le week-end la page Love in Fun sur Facebook, réagir sur Twitter pour parler de l'émission, hashtag Love in Fun pendant tout le week-end. On vous mettra des petites photos, bien sûr, et des vidéos de tout ce qui se passe pendant le week-end là, avec toute l'équipe. Yep. Rendez-vous dès lundi soir. Et là maintenant, c'est Mickaël No Limite. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Bon bah tant mieux. Moi je commence à avoir mal de gorge juste quand je pars au ski. Je suis vénère. Et oui, ça y est, vous partez là. Ah, là. On t'a jeté le discrédit sur toi aussi. Oui. Alors que j'avais prévu l'anniversaire de Karel. Oh merci. Ouais, écoute avec plaisir. Voilà, jusqu'au bout. Quel art. Surtout sur la fin. Est-ce que je peux la rencontrer? Vaut mieux pas. Ah bon? Enfin, moi je dis ça, c'est pour toi. Hein. J'aimerais. Je peux te poser une question? Bien sûr. Comment vous avez enregistré cette femme? Dans quelles conditions ça s'est passé? Tu ne préfères pas savoir. C'était Toff, c'était Polo, c'était qui? Tu ne préfères pas savoir. Je mise sur Polo. Il y a. En fait, c'était Karima. Pour vous dire. C'est trop aigu pour moi. Attends, dans la voix que je j'ai. Je ne la reconnais pas. Ah, et que c'est normal. Moi non plus, je ne l'ai pas reconnu à ce moment-là. Figure-toi quand on enregistrait tout ça. Bon, et ben, bon week-end. Ouais. Bisous. Salut. Ciao bon, tout le monde. Et puis on est parti jusqu'à 2h du mat. Ciao tout le monde. Bon week-end à tous. J'ai enfin trouvé la lampe du génie! Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux! Alors, que Mickaël No Limite dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top! Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes! Bonsoir tout le monde! Ah, je vais parler lentement aujourd'hui parce que j'ai commencé à faire un petit peu mal à la gorge là. Ah super, avant de partir au ski, je suis content, hein. Putain. C'est bien, comme ça tu pourras en mettre bien et quand tu vas rentrer, tu vas être content. Ouais. Voyons les choses clairement, c'est vrai. Bon, ça y est, on est prêt pour le grand départ. La voiture est chargée, comme vous avez pu le voir sur le Facebook. Hein, la belle voiture hein, que nous a mis à dispo. Mais oui, non, elle est sympa. Un petit monospace tranquille, là, tout logotisé, tout c'est cool. Vous pouvez la voir hein, si vous ne l'avez pas vu, Facebook, Twitter, Instagram, tapez Mickaël officiel. On est prêt donc pour les pistes de ski. Mais avant, évidemment, comme tous les soirs, du lundi au jeudi, de 23h à 2h et puis le dimanche aussi de 20h. À minuit, on va délirer ensemble parce que vous le savez, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. D'ailleurs, il y a Baptiste avec nous maintenant, tiens du Mans. Salut Baptiste. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va, impeccable. Bon, là, tant mieux. Au boulot, là, tranquille. Ah bon, tu fais quoi là dans la vie? Là, je suis en intérim, je suis en usinage dans le fin fond de la Sarthe. Oh là là. Bon, et t'en as jusqu'à quelle heure là? Jusqu'à 5h40. Ah, jusqu'à 5h40, ah ouais, quand même. Donc voilà, là j'ai pris une petite pause, je me suis fait plaisir. Hein. Eh ben t'as bien raison, De toute façon, après au pire, tu reportes les heures. Hein. Si tu prends 20 minutes de pause, tu termineras à 6h. Voilà, non, y a pas de mal à prendre des pauses, hein. Faut se faire plaisir. Hein. Bah oui, t'as raison, il faut se faire plaisir, c'est clair. Bon, bah tous les soirs, t'as prévenu tous les mecs de l'usine là que tu passais sur Fun Radio et qu'il faut qu'ils écoutent Fun le soir? Je pense qu'ils le font déjà, pas bon, écoute, alors tout va bien, c'est magnifique. Bon, attends deux secondes, il y a un message d'Eliott qui dit bonsoir la team, salut Eliott. Il y a Julien qui Toff est un enculé. Oui, voilà. Il y a Mathis également, Mickaël No Limite. Elle va bien ta planche après la bifle. Oh, ça va, oui, elle va très bien ma planche. J'ai mis une photo d'hier de la planche que j'ai surtout du nouveau pantalon. Et quand j'ai mis est-ce que vous kiffez la planche, ce connard de correcteur d'orthographe a mis sur le Facebook, est-ce que vous biffez la planche? Donc du coup, ça a été ma soirée hier soir, bref, la folie totale. Si vous voulez voir ça, Facebook.com/MickaëlOfficiel. Bref, appelez-nous si vous voulez passer à l'antenne là maintenant, comme Baptiste par exemple. Et puis vous faites tout de suite donc le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Et on en parle ensemble de ce que vous voulez d'ailleurs. Et on va parler de quoi dans un instant avec toi Baptiste au fait? Oula, t'entends mal. Tu m'entends là? Vas-y, ouais. Ouais, enfin, je sais pas si c'est un toc ou être maniaque. J'ai tendance à vérifier plusieurs fois si j'ai bien fermé la porte de mon appart. Ah, c'est un toc, hein? Ouais, non, c'est pas un toc. Ou vérifier au moins à plusieurs reprises si j'ai bien éteint la lumière. C'est un toc. Ah, si, si. Ah, ouais, oui. Si, je te le confirme, c'est un toc. Bah, on va en parler dans quelques minutes, tiens. Bah, les autres, si vous avez des tocs aussi, là, on va en parler avec Baptiste. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Sandro, qui est donc en pleine forme ce soir. Ouais. Non, elle est à moitié endormie. Je travaille, je suis débordé. Elle voulait faire un barbecue samedi, malheureusement pour elle. Samedi, ils annoncent en tout cas du gris hein, sur Paris. Ouais, dommage. On va le faire quand même, on s'en fout. Ouais, mais t'as raison, sois rebelle, évidemment. Dov qui apprend ses amis au ski. Va voir ta mère, enfant de putain. Non. Si, si, je pense que je vais en trouver quelque chose. Surtout lui, il a l'air bien. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà, j'en ai même un autre, tiens. Mais on, bon, malheureusement, on n'a pas en Corse. C'est de merde avec ton accent pourri là. Voilà. Oui, mais les Corses vont au ski, donc peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'on en rencontrera un là-bas, va savoir. Bon, on va faire d'autres appels dans quelques minutes et peut-être rencontrer de nouveaux amis. Et puis Polo, ça va pas trop peur là du premier contact avec la neige. Enfin, non, premier contact pas. Avec la montagne plutôt. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde dit ça. J'ai pas peur de la. Enfin, je vois pas. C'est la première fois que tu vas faire du snow. C'est la première fois que tu vas à la montagne. La majorité toi, des gens qui peur. Font du snow pour la première fois peuvent se casser le poignet. D'accord. C'est ce qu'on casse là en règle générale quoi. Bon, bah, c'est le premier. Non mais je vois casse. Pas pourquoi t'insistes avec ça. Non, je comprends. Polo, c'est un warrior. Il apprend de rien. Bon bah très bien alors. Bon et puis on a également Thomas qui est avec nous. Salut Thomas. Salut Mickaël. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, tranquille Thomas. Bon, on va faire la colle avec toi pour gagner le dernier iPad de cette semaine, l'iPad mini. Ouais. Ce serait bien, non? T'as déjà fait du ski toi ou pas Thomas? Ah non. Jamais? Non. Jamais de ski, jamais de snow? Non, non. Bah tu devras peut-être essayer un de ces quatre, tu vas voir, ça va être cool si t'as l'occasion en tout cas. En tout cas, nous on va essayer demain, hein. Demain et après-demain, on sera là-bas à Orcières 1850, Orcières Merlette. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir, on y sera. Bon, on a dit rendez-vous à midi, parce que bon, comment on va faire la route midi, de nuit midi, à mon midi, avis midi. Ouais, midi 30, ouais. Comment on va faire la route de nuit, on va peut-être oublier un petit peu quand même le matin, on verra. Donc midi 30 sur les pistes devant l'office du tourisme, Orcières Merlette, 1850 mètres d'altitude, tout ça à la grande classe. Oui, ouais. On va être bien. Et venez avec votre matos également. Bon, Thomas, alors, tu vas faire péter une colle maintenant. Si quelqu'un répond correctement à la colle et passe à l'antenne, il gagne l'iPad mini, tu le perds. Si personne ne répond ou que la personne qu'on appelle, eh bien, ne décroche pas par exemple ou répond mal, tu gagnes et il perd. D'accord ? D'accord. Allez, fais péter la colle. Vas-y, vas-y, Thomas. Or, dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron ? Dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, bah vous envoyez simplement Mickaël au 64-900, puis vous mettez votre réponse. Hein, donc Mickaël espace la réponse au 64-900, ou alors par pour la Belgique au 63-22. Et depuis le Facebook, ça fonctionne également, facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, vous balancez votre message, vous n'hésitez pas. Et puis dans 3 minutes, je vous mets le post avec la colle, vous allez pouvoir la lire comme ça, et puis même y répondre gratuitement. facebook.com/Mickaël officiel. Bon Thomas, tu restes avec nous? Ouais, avec plaisir. Eh ben très bien. Dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? Avant minuit 30, on donne la réponse, Thomas. Et dans avant minuit 30, tu sauras si tu repars avec l'iPad mini ou pas. Il y a Angie qui dit de la part de Angie un gros bisou à mon canard et un coup de pelle, s'il vous plaît. On ne sait pas à qui. On va le mettre à Toff à défaut. Il y a JB également qui dit il est doux le petit Thomas. Oui, un petit peu. C'est vrai qu'il a une petite voix douce. Il va pouvoir rejoindre l'armée. Voilà. Elliot qui dit la classe, la voiture pour partir. Ouais, on va se mettre bien, ça va être cool. Si on se croise d'ailleurs sur la route, si jamais vous êtes sur l'autoroute, bon bah nous on passe par Lyon, puis Grenoble. Et tout ça, n'hésitez pas à hein, klaxonner un petit coup. Toff paye son café, bien sûr. Voilà, il paiera son café. je le jetterai par la fenêtre et son gâteau. Parfait. Lydie qui dit j'écoute Mickaël, et bah tu fais bien, Lydie. Et Maxence, salut l'équipe. J'ai ramené 7 nouveaux auditeurs et un petit message de bienvenue, s'il te plaît. Depuis septembre, je vous écoute. Et un petit oh, qu'il est bête à Toff et Polo, bah très bien. Bah, et qui sont bêtes, hein, je le confirme. Ouais. Et le message de bienvenue, mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà, bon, bah comme ça, au moins les choses sont faites. Est-ce que t'as envie d'écouter un son en particulier, Thomas, toi ou pas ce soir? Non. Non, pas spécialement. T'aimes bien ça, toi? Route 94, là. Route 94. Ouais, j'aime bien. Avec My Love, j'aime bien. Et toi, Baptiste, t'as envie d'écouter un son en particulier? Un petit section d'assaut. Un petit section d'assaut. Alors, suivez, j'ai celui-là. Pas vraiment section d'assaut, mais bon, c'est Shinseka. Ouais, tu connais ou pas? Et en fait, j'ai pas eu ma petite insulte ce soir. Non, mais c'est pas vrai, attends. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà. Ça me plaît bien. Écoute, avec plaisir. Nous, si on peut rendre service, il n'y a aucun souci, hein, justement. Ouais, hein. Je vois ça. Bon, bah très bien. Si vous voulez aussi choisir un son ce soir, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, sur le Twitter de l'émission. C'est quand la dernière fois, tiens, où t'es allé chez le dentiste, toi, Baptiste? Oh, ça fait une belle durée, ça va faire peut-être 400 ans. Oh là là là. Bon, enfin, mais comment ça se fait que tu mets autant de temps pour aller retourner chez le dentiste? T'as peur de la fraise? J'ai quand même pas m'excuser d'avoir les dents propres. Non mais justement, t'as pas les dents propres. Tu sais qu'il faut aller faire un détartrage tous les ans minimum pour bien faire 6 mois. Mais normalement, c'est tous les ans, on va dire. Et tous les ans, c'est pas mal déjà. C'est-à-dire que t'as plein de crasses qui se vont entre les dents et que tu vois pas, que tu peux pas enlever avec la brosse à dents, etc. Alors c'est grave, faut aller plus souvent, mec. Ouais, bah oui. Non, parce que je te posais la question parce que je suis tombé sur un site internet qui disait que 7 Belges sur 10 ne vont pas au moins une fois par an chez le dentiste. Ah ouais, c'est quand ouf quand même. Ah, moi j'y suis deux fois par mois. Deux fois par an, pardon. Ouais, deux fois par an, une fois par an, grand max quand, quand j'oublie. Mais sinon, ouais, j'y suis tous les. Saleté de leur bouche. Six mois, neuf mois, un truc comme ça, ouais. Mais c'est vrai que j'ai. Juste une anecdote, on connaît un Belge. À Bruce, à Uccle, là, qui a c'est plus des dents qu'il a, c'est du tartre. Ah ouais, ouais, c'est-à-dire que c'est une barre de tartre. Le webmaster. Ouais, c'est une barre de tartre. Ouais. C'est bizarre, effectivement. Donc, toi, c'est une fois tout. Bon, là, c'est 5 ans. Et toi, Johan, qui est avec nous de Toulouse Salut, Mickaël. Salut, Johan. Alors, c'est quoi, toi, combien de fois tu vas chez le dentiste, à peu près? Est-ce que tu vas tous les ans ou pas? Ouais. Ah, ça, c'est bien. Tous les ans, c'est bien. Il y a Thomas également, là, dans le Finistère. Salut, Thomas. Salut, Mickaël. Ça va? Ça va, et toi? Ouais, tu vas tous les combien de temps chez le dentiste? Tous les trois mois. Il faut pas abuser non plus, Thomas. Hein, parce que tous les trois mois, il y a maman le dentiste. Bon, c'est vrai, il fait sa vie, mais quand même, ça fait beaucoup tous les trois mois quand même. Donc, ouais, mais c'est bon de manger des bonbons aussi, c'est pour ça. Mais non, enfin, j'en mange aussi, mais sur bronzé, normalement, ça devrait aller. Bon, dites-nous les autres, tiens, tous les combien de fois? Ça va, Baptiste? Ça va, Pékin, tu m'entends? Ouais, pas très bien, mais je t'entends. Ouais. C'est quoi le bruit là derrière? C'est les bécanes, alors je m'excuse, je dois être au boulot quand même. Ouais, d'accord, ok, ça ressemble à de la musique. Bon, ouais, reste avec nous, Baptiste, là. Johan, reste avec nous également. Il y a Arthur aussi, d'Orcières. Salut, Arthur. Salut. Comment ça va? Bien. Mais toi, t'es à Orcières, où on va demain? Ouais. Cool, bah tu passes nous voir, j'espère, Arthur. Ben, je peux pas, j'ai un rendez-vous pour les yeux à Gap, juste avant. Non. Mais on y est vendredi et samedi? Et tu y es resté deux jours? Vendredi, vous y êtes? Ouais, on arrive là, on part après l'émission, on part directement, on y sera là demain midi et demi, on est sur les pistes. Et j'ai cours. Oh là là là là là là là là, Arthur. Oh, bon bah écoute, c'est pas grave. Tu nous appelais pourquoi du coup, Arthur? Moi, par exemple, boulangerie sur la route, si vous voulez passer. Grave. Avec plaisir, on prendra le petit déj alors, et plutôt deux fois qu'une. C'est où? Tof, note, Je note. Attends, c'est mais où? Attends, c'est gratuit. Non, c'est encore mieux, on se mettrait avec la voiture devant la devant la boulangerie là, il y a marqué Fun Radio partout. Alors c'est quoi l'adresse? C'est 05 260. Ouais. Saint-Jean-Saint-Nicolas. Ah c'est tout, il n'y a pas de rue? Non. Orcières évidemment, il y a 4 rues qui se battent. Et c'est quoi le nom de la boulangerie là qu'on s'arrête pas à la mauvaise? Villard. Boulangerie Villard, c'est ça? Ouais. Boulangerie Villard, on ira demain. Merci beaucoup, Arthur, c'est très gentil. T'as prévenu ton père au moins, tu sais, qu'il sort pas à carabine quand on arrive? Ouais. Oh, c'est cool. On s'arrêtera, promis. Hein. Bien sûr. Attends, c'est la route, non? Mais oui, c'est la route. Bon, parfait. En plus, on y arrive demain matin vers 9-10h. C'est parfait pour le petit-déj. Ouais, et en plus, c'est près d'Ancel qu'on connaît bien. Écoute, c'est parfait. Bon, merci beaucoup, Arthur, pour l'invitation. C'est très gentil. De rien. Avec plaisir. Merci beaucoup, Arthur. Salut, à bientôt. Ouais. Hein. Ciao. Ah dommage qu'il puisse pas venir, Arthur, c'est dommage, mais enfin c'est pas grave. Bon, il est 23h12, bienvenue à tous ceux qui viennent de débarquer. On est au cœur d'une heure sans pub. On va parler des tocs dans quelques minutes et du dentiste, hein. Combien de fois vous allez chez le dentiste par an? Venez nous en parler, voire même par 10 ans, hein. On peut en parler aussi. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. C'est Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est là comme tous les soirs en mode chill ce soir, avec le son de Pharrell Williams qu'on écoute maintenant. C'est le petit nouveau, c'est Marilyn Monroe. Venez vous parler, puis je rappelle qu'il y a toujours la iPad mini à gagner, notamment. La colle est sur le Facebook, facebook.com/mickaëlofficiel. En plus, j'ai mis une belle photo ce soir. This one goes out to... 23h, 2h. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct, évidemment, sur Fun Radio, comme tous les soirs. Il est 23h16. Il y a Dylan qui dit salut, Mickaël. Ça fait pas mal de temps que j'écoute et j'ai pas eu mon message de bienvenue. Attends, on va te le mettre là. Français de merde avec ton accent pourri là. Voilà, c'était un Corse. Kevin également, Mickaël, te remplis pas le ventre de croissant, sinon je vais te battre sur la piste. Il y a peut-être moyen que je sois là demain. Ah, cool, Kevin. Bon, voilà, midi 30. Hein. Il y a Fred S34 chez le dentiste. J'y vais au moins une fois tous les 100 ans. Fred. Héroïne qui dit moi le dentiste c'est demain. Oh, ça va aller. Allez, courage. Mais ouais, ça va aller. Elliot qui dit ça fait un moment que je suis pas allé chez le dentiste, moi. Et Jojo, 7-8. Moi non. J'y vais pas une fois par an, ça date de 3 ans quand j'y suis allé. Plus vous traînez, plus vous risquez d'avoir des problèmes et plus ça va faire mal. Moi ça faisait un an et demi, 2 ans que j'étais pas allé, elle m'a fait un scandale là-dedans. C'est normal. C'est-à-dire que si tu vas tous les ans, c'est une visite, donc au pire, il y a une carie, mais il n'y a pas de catastrophe. Mais si vous laissez traîner, imaginez que vous avez un problème à la dent, sauf que vous laissez traîner pendant des années. Il y a un moment quand le dentiste va voir le truc, il n'y a plus rien à faire, il va falloir l'arracher, voire même peut-être opérer, j'en sais rien. Donc méfiez-vous, une fois par an c'est comme le minimum. Voilà, mais bon après vous faites ce que vous voulez, c'est vos dents, c'est pas les miennes. On va également parler des tocs maintenant. Tiens, on va essayer de récupérer Baptiste avec beaucoup de bruit là, Baptiste. Tu m'entends? Ça va, ouais, quand tu parles le bruit derrière là descend un petit peu, c'est bien. Ouais, je suis désolé, j'ai un chef d'équipe derrière. Non mais c'est rien, tu travailles, c'est normal. Bon Baptiste, alors toi t'as les tocs, donc c'était quoi ton toc? Bah, en fait, soit j'ouvre et je referme plusieurs fois ma porte d'entrée, ouais, par peur, je sais pas, par peur, ou sinon j'ai tendance à j'assieds plusieurs fois les lumières. Alors j'allume, j'éteins. Ah ouais, c'est merde. C'est vraiment un toc vraiment assez chelou quand même. Donc, ah ouais, mais je ça. Je me fais quand même pas mal charrier par mes potes et du coup, voilà quoi. Ah oui, mais ça c'est le putain toc. Moi j'en ai un, c'est pour la voiture. J'ouvre, enfin je ferme. Ouais, pareil. Et deux secondes après, je referme quand même encore une fois parce que chaque fois je crois que j'ai oublié. Bah moi je sors ma voiture, je vérifie toujours toutes les vitres. Donc en fait c'est vraiment un problème. Je sais pas, mais c'est psychologique. Hein. Ah oui, bah oui, c'est un toc. Hein. Mais c'est, tu peux le contrôler. Hein. Ouais, ça se contrôle, mais après il faut aller. Ouais, si tu arrives pas toujours, faut aller voir un psy. Hein. Ouais. Ouais, bah, faut essayer. T'as des tocs, toi, ou pas? Bah, moi, il y a la voiture aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que je l'ai pas fermé, donc je rappuie genre 15 000 fois sur la télécommande, alors que je sais très bien que je l'ai fermé. Ouais. Mais même parfois, je suis genre à 5-6 mètres de la voiture, je réappuie pour voir les clignotants s'allumer et être sûr que la voiture est bien fermée. D'accord, et Polo, toi, et toi? Ah, bah, moi, j'ai la porte, je passe mon temps à essayer de vérifier que la porte soit fermée. Ah oui, à tirer dessus au point de la casser parfois. Hein, toujours. Donc, c'est ça, après, elle est plus fermée du tout, mais bon. Bon, attends, il y a Johan également de Toulouse. Salut, Johan de Toulouse. Salut Mickaël. Comment ça va? Bien toi? Bon, très bien. Bon alors Johan, toi t'as des tocs aussi ou pas toi, non? Par hasard? Non. Toi t'as pas de tocs. Bon, t'appelais pour autre chose, mais je te posais la question quand même, bouge pas Johan. Il y a Thomas également là, salut Thomas. Salut Mickaël. Comment ça va? Bien. Alors c'est quoi tes tocs? Ah mais si, c'est toujours me gratter l'œil et puis à me mettre des compas dans le doigt. Hein? De mettre des compas dans le doigt, mais toi t'es à ouf bah, Thomas là pour... Heureusement qu'il fait pas l'inverse. J'ai le doigt tout déchiqueté, je peux vous envoyer une photo si vous voulez. Non, ça ira, c'est gentil. Bon, si t'as une sœur, éventuellement, Benaz, tu peux, mais ton doigt complètement déchiqueté, moyen, hein, mais moyen. Non, mais sérieux, pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas, en primaire, c'est arrivé quand je me stressais en cours, du coup, j'ai fait ça et c'est devenu un tic. C'est un toc? Un toc, pardon. Mais, enfin, oui, non, après, bon, peu importe. Mais, ah oui, d'accord, ok. Mais tu vas jusqu'au sang? Ouais, des fois, ouais. Oh, t'imagines? Mais attends, mais c'est un truc de dingue. Mais ta mère, elle dit rien? Enfin, tes parents, ils disent rien? Bah non, parce que la matrice de mon doigt est morte, ça repoussera plus jamais. La matrice? C'est quoi la matrice? La longue, en fait, il repoussera plus, c'est la peau que j'ai en dessous. C'est tout mou. Oh! Ah, mais t'as arraché l'ongle carrément? Ouais, j'ai arraché l'ongle. Mais tous ou un seul? Non, juste un, mon pouce. Oh, mais c'est dingue ça, c'est bah, pourquoi t'as fait ça, Thomas? T'es complètement fou? Je sais pas. Ah, bah oui, mais attends, mais il faut arrêter, va mettre des faux ongles. Oh, j'ai envie de vomir. Bah oui, va mettre des faux ongles, tu sais, le truc pour les meufs là, tu mets long, tu mets petit, tu mets court, peu importe. Hein. Mais putain, c'est bizarre, je savais pas que ça ne pouvait plus repousser. Ah ouais, si t'arraches tout, c'est comme quand quand tu te pètes un ongle, enfin tu sais, quand t'as un truc lourd qui tombe sur l'ongle par exemple, ça peut le tuer. Et du coup, effectivement, tu peux perdre ton ongle et du coup, bah voilà, c'est tout, il se finit, il ne pousse plus après, c'est clair. Est-ce que t'as pensé à te le mettre dans le cul? De quoi, l'ongle? Le pouce? Ah, le pouce? Non, bah ça fera pas repousser l'ongle plus vite, on malheureusement. Sait pas. Non, mais bon, au moins il sera protégé, il aura plus mal. C'est vrai. Attends, il y a Paul de Lille également là. Salut Paul. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, Paul. Bon, alors toi, tu voulais aussi réagir là ou c'est quoi tes tocs? Alors moi, j'ai un toc un peu moins glauque. C'est en fait quand je mange, quand j'avale avec ma fourchette, je ferme les yeux. Ah bon, à chaque fois? Ah, c'est marrant. Et donc en fait, à chaque fois que je mange, bah je ferme les yeux. Ouais, mais c'est pour savourer en fait. Mais attends, mais tu fermes les yeux juste quand tu mets la fourchette en bouche et après tu réouvres ou pendant que tout le temps où tu mâches tu fermes les yeux? Ça dépend. Ah ouais, donc plus c'est bon, plus tu fermes les yeux? Non, enfin ça dépend. Même si c'est dégueulasse, je ferme les yeux. Ah ouais, pas forcément. D'accord, vous avez des tocs bizarres quand même. Appelez-nous les autres hein, si vous en avez des tocs, des autres tocs éventuellement. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bah merci Thomas et Paul d'être passés là, vous revenez quand vous voulez. Je peux avoir un pack fan. Ouais, on va vous enfiler un tous les deux, y'a pas de problème, vous retournez chez Sandro, Thomas et Paul. Salut à vous deux, merci. Salut, à bientôt. Y'a Théo qui voulait réagir par rapport au dentiste là. Salut Théo d'Albi. Salut. Comment ça va? Ça va, impeccable. Très bien. Bon Théo, ouais, alors toi tu vas chez le dentiste tous les combien de temps, dis-moi? Ouais, tous les 6 mois à peu près, ouais. Ah bah 6 mois c'est bien. Mais quoi, c'est ta mère qui t'oblige? Bah ouais. Bah ouais, parce que tu bouffes trop de dégueulasseries, je parie, y a trop de bonbons, chocolat et tout ça là. Les bonbons, ouais, c'est vrai. Eh ouais, et bah voilà. Bon, et du coup, combien de caries a-t-on actif déjà du haut de tes 13 ans? Ouais, 3 à peu près. Ah quand même, hein, ah c'est ouais, un beau score, hein. Ah oui. Ah ouais Théo, mais tu te brosses jamais les dents? Si quand même. Qui peut? Une fois sur deux quoi. Ouais, une fois sur deux. Non, tous les soirs. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah très bien. Bon, bah Théo, t'as pas peur de la fraise et tout ça, non? Oh non, ça va. Non, ça va, toi t'es un grand, non. Toi c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais je trouve que plus horrible que le bruit de la fraise, c'est le bruit du truc quand t'es. Quand t'aspires la salive. Ah non, quand elle frotte sur ta dent pour faire le détartrage. Ouais, Ah non, ça me dérange pas. Ah si, moi je trouve ça c'est horrible. Moi j'ai pas peur du dentiste. Le seul moment où j'ai eu peur, et au final j'ai réussi à trouver pas une enfume mais un meilleur dentiste en l'occurrence, c'est je vais chez le dentiste, le mec, alors que j'allais me faire détartrer tous les ans, et je saignais souvent des gencives, enfin même très souvent, tous les jours je pissais le sang des gencives. Je vais le voir et il me dit ah ouais bon bah oh là là, il va falloir opérer et tout. Ah bon, mais il faut faire quoi? Ah bah tu vas en chier. Ah bon? Et en fait il me disait ouais, il faut décoller c'était au début de l'année, c'était en mois de septembre octobre je crois. Il faut décoller la gencive des dents pour aller faire un détartrage, mais vraiment super profond. Et bon, ça fait un mal de chien parce que bah, décoller la gencive des dents, comment vous expliquer, imaginez bien à quoi ça représente. Hein. Donc, hormis le fait que ça coûte un bon, c'est juste que ça allait faire hyper mal. Donc, je me suis dit, bon, c'est quand même violent, je vais aller voir un autre dentiste pour être sûr. Et l'autre dentiste me dit, bon, bah écoute, on va faire un détartrage. Je dis, ouais, mais j'en ai fait un il y a pas longtemps. Bah écoute, quand même, on va le faire. Et regarde, il m'a enlevé du tartre de ouf. Et il me dit, mais t'es sûr que t'as été faire des tartrages il y a 6 mois là? Je dis, bah ouais. Bah je dis, bah ton dentiste c'était un bouffon quoi. C'est-à-dire que le mec il faisait mal le boulot. Hein. Résultat, il m'a juste dit, bah tu passes une petite brosse entre les dents, tu nettoies tes dents matin et soir comme d'hab quoi. Et bah maintenant ça saigne plus rien. T'imagines l'autre, il voulait me faire passer, à la boucherie quoi. Truc, et, oh là là, ça va être une angoisse alors que lui il faisait mal son taf. J'étais scandalisé, j'aurais souffert le martyr. Oh, alors déjà quand j'ai un petit bobo au doigt. Tu dis Théo? Tu mangeais trop de bonbons. Tu m'aimes bonbons? Bah non, même pas. Enfin si, j'aime bien, mais c'est même pas tant ça. Hein. C'est même pas tant ça. Je sais pas, c'est le tartre. Je sais pas comment. Bah il faisait mal. Il enlevait mal le tartre puisque j'y allais tous les 6 mois, tous les ans. Donc je faisais le bon entretien quoi. Donc truc bizarre quoi. Bon bah appelez-nous les autres. Tiens, si vous allez combien de fois vous allez chez le dentiste, puisque on est tombé sur ce site internet qui disait que 7 belles sur 10 ne vont pas au moins une fois par an chez le dentiste. Merci Théo. Je peux faire un petit dédié ou pas? Allez, bah vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Ok, bah une dédié à Paul alors. D'accord, bah le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi. Salut. Allez, à bientôt Théo. Et tout à l'heure, on fera le canular également du jeudi. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez faire un canular à quelqu'un, vos copains, votre copine, vos parents, peu importe, eh bien appelez-nous, on fait ça aux alentours de bon, minuit, moins 10 à peu près. Hein. Vous nous appelez maintenant, 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a des casques DJ à gagner si vous êtes bon, évidemment. Il y a Jeanne François sur le Twitter qui dit « La dernière fois, je n'ai pas pu aller chez mon dentiste habituel, je suis tombé sur un boucher, maintenant c'est une hantise. » Mais c'est ça, ouais, c'est ça, c'est quand un mauvais souvenir, après c'est mort. Romain qui dit mon record c'est 7 caries en 16 ans de carrière, pas mal. Oh là là là. Kevin qui dit Polo, Théo et Doux, un membre de plus dans la team des Doux. Et Ludivine, j'ai un toc, c'est me faire craquer les phalanges des 2 pouces, mais c'est tout le temps, je peux pas m'en passer. Et Dylan sur le Facebook, moi Mickaël, j'ai un toc, c'est le réveil, je regarde s'il est bien sur on et je pousse bien fort, je sais que c'est bizarre. Ouais, ça aussi, quand je dois me réveiller tôt, tout est mis, je vais dormir. Et puis, non, faut que je me relève pour aller vérifier que le truc est bien enclenché parce que j'ai peur de rater le truc, surtout quand j'ai un avion à prendre ou un rendez-vous quoi. Ah bah c'est. Mais ouais, mais c'est plus qu'un toc là, c'est. Enfin, c'est pas un toc, c'est. Tu vérifies quoi. Ouais, mais tu sais que tu l'as fait, tu t'en souviens, mais. Ouais, mais le toc c'est quand tu fais. Je crois que quand tu fais plusieurs fois sans contrôle. Ouais, ouais, peut-être. Tac, tac, tac. Ouais, c'est vrai, peut-être. Bon, et puis on va parler également. Tiens, qui a déjà fait l'amour dans un lieu public? Bah, moi. Ouais, où ça? Quel lieu public? Alors, la Tour Eiffel. T'as déjà visité dans la Tour Eiffel? Sur la Tour Eiffel. Comment ça sur la Tour Eiffel? Tu t'es fait enculer par la Tour Eiffel? Non, dans les étages de la Tour Eiffel quoi. Mais quel menteur, c'est pas vrai toi. Mais si c'est vrai. T'as baisé dans la Tour Eiffel? Bah oui, j'ai baisé dans la Tour Eiffel. Bah, avec une meuf. Oui, forcément. Ouais. Polo? Non, moi la plage, est-ce qu'on s'est considéré comme un lieu public? Ah bah oui, c'est un lieu public. Ouais, aussi, ouais c'est vrai. Moi j'ai jamais, enfin la plage, j'ai essayé une fois et le sable ça m'a. Moi aussi. En plus j'avais fait super attention et tout, et puis au moment de terminer, paf, dans le sable. Alors je peux te dire c'est relou. Hein. J'ai fait un musée aussi, c'est pas mal. Un musée, mais t'as pas autre chose à foutre dans un musée? Ah si, on contemplait les trucs. Ah super. C'est bizarre tout ça, toi. Bon, et est-ce que tu sais ce que tu risques? Est-ce que vous risquez si vous avez déjà fait l'amour dans les lieux publics? Eh bien c'est énorme. La peine maximale pour exhibition sexuelle, c'est 15 000 euros et un prison. Ah oui, ça fait réfléchir. Hein. Ah oui, bon, oui. Alors il y a aussi le risque d'être vu pour finir sur YouPorn. Et là encore une fois, c'est un Belge qui s'amusait à filmer les gens qui avaient des rapports dans un parc et il les mettait sur YouPorn. Ah bah c'est sympa, il se faisait de l'argent avec les gens qui faisaient l'amour. C'est exactement. Cool. Donc venez nous dire si vous l'avez déjà fait dans un lieu public. Et puis bah Tof, tu vas poser la question à tes amis dans quelques minutes. Ah, évidemment. Et ben voilà, bah venez nous en parler. On va faire les premiers appels dans quelques minutes. Si vous avez envie de nous en parler, si vous avez déjà fait l'amour dans un lieu public, quel était l'endroit de prédilection? 01 42 48 5000 ou 02-851 4x0 depuis la Belgique. Vous nous appelez, on en parle. Et puis là, bah, là il est 11h, il est 23h27. On est au cœur d'une heure sans pub. Il y a Baptiste qu'on va récupérer dans quelques minutes. Il y a Adrien, Mehdi et Laura qui vont débarquer dans quelques instants également sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, et vous pouvez réagir par texto, bien sûr. On écoute Avicii maintenant. C'est Addicted to You sur Fun. I don't know just how it happened. Micro branché. Son calé. Jingle prêt. Bonsoir tout le monde. Mission réussie. Mickaël aux limites. Un petit pas pour nous, un grand pas pour l'humanité. Mickaël de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, demain matin, n'oubliez pas, rendez-vous. Alors, toutes les infos sont sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Alors, 1850, c'était la station de ski. Et c'est bien, il y a de plus en plus d'auditeurs qui me disent, ouais, bah, je passerai demain et tout. Donc rendez-vous à 12h30 devant l'office du tourisme pour faire des conneries. Bon, on va skier et surfer ensemble, pépère, ouais. Quoi. Tranquille. On va être bien. Mais ouais, on va se mettre bien. On va chiller pendant que toi vas chier. Ouais, je vais chier. Exactement. Dans la neige. Ouais. Bon, je compte sur vous. Et samedi, par contre, on va faire un petit défi en fin de journée à Orcières. Voilà. Donc, on a besoin de vous aussi. On a besoin de 10 auditeurs ou plus si vous voulez. Hein. Mais on a besoin de 10 auditeurs pour venir. Donc, voilà. Vous balancez vos messages et puis on vient ensemble. On viendra tous ensemble demain, donc, dès 12h30 sur Orcières. Il y a Secret Kick qui est la seule qui remonte le moral quand je. Mickaël, le seul qui remonte le moral quand je déprime. Oh, merci Secret Kick. Gros bisous. La sœur de ma copine ne se broche jamais les dents, elle a plein de jaunes autour des dents, c'est dégueulasse. Ah, il y en a plein. Il y a Valou qui dit j'ai déjà fait l'amour dans un avion en allant au Portugal. Ah, bah en plus c'est un petit avion et c'est un vol de jour, donc c'est quand même chaud, hein. Ouais, mais ça moi j'aimerais bien pouvoir faire dans un avion. Moi j'avais fait une fois en allant au Mexique. Bon là t'as le temps, tu fais un vol de nuit, enfin ça dépend, mais là en l'occurrence c'était un vol de nuit. Et du coup t'es pépère, quoi. T'as le temps, tout le monde dort, t'es tranquille, t'as 8 heures devant toi pour le faire, donc t'es tranquille, quoi. Ouais, bah ouais, mais chaque fois en fait, moi, chaque fois qu'on a voulu se lancer, t'avais soit les deux personnes qui sont à la gauche qui étaient, tu vois, qui étaient réveillées, donc t'étais ah liée. Ouais, tu peux pas. Pourquoi ouais. Je vais pas dans les chiottes, en loose day. Bah en fait, une fois on a voulu le faire, et juste au moment où on va pour rentrer à deux, t'as l'hôtesse qui passe, donc. Ouais, tu peux attendre, tu t'arranges. Ouais, mais voilà, mais t'es pas motivé. Ouais, mais ça te refroidit. Ouais, oui. Il y a Master Fox qui dit Mickaël, t'es le boss. Et Toff, c'est le bolos. Il y a Devers45 qui dit moi j'ai déjà fait l'amour avec mon ex dans un parc de jeux, mais j'ai pas aimé car il faisait froid à ce moment-là. Bah oui, mais Devers45, il fallait faire ça quand il fait chaud. Et Louise aussi, salut, moi les tocs, je mange à l'intérieur de mes lèvres. En classe, on croit toujours que j'ai un chewing-gum dans la bouche. Ouais, t'imagines. Moi c'était au bahut, j'ai honte, c'est Romain et Lola aussi. Vous êtes sérieux pour l'amende? Non, oui, totalement sérieux, Lola, hein, pour l'amende. Là, si vous niquez quand vous êtes dehors, enfin dans un lieu public, vous risquez 15 000 euros et un an de tôle. Alors évidemment, pas si c'est la première fois, mais si ça fait 15 fois que vous le faites, je pense qu'à un moment, ils vont sévir, quoi. Ils vont vraiment sévir. Donc, méfiez-vous quand même. Voilà, donc appelez-nous. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans les lieux publics? Si vous avez déjà fait l'amour dans un lieu public, bah, c'était où? 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Avant de reparler du dentiste et des tocs, eh bien, on va faire les premiers appels afin de voir si les gens ont déjà fait l'amour dans les lieux publics. Dans les lieux publics, pardon. Eh ben oui, allons-y. Eh ben on va appeler les premiers maintenant grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, on perd pas de temps, c'est parti, 23h33. Allez, allons-nous rencontrer de nouveaux amis, je l'espère. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour dans un lieu public, monsieur. De quoi je me mêle? Ben, c'est une question, monsieur. Vous appelez les gens à poser des questions comme ça à la con? Mais c'est pas une question à la con, monsieur. Je veux juste savoir si vous avez déjà fait l'amour dans un lieu public, c'est tout. Et vous êtes qui, vous? Moi, je suis Toff, monsieur. De où? Bah, de chez moi. Allez, va te faire foutre. Ah bah non, monsieur, enfin. Ah, allô? Bah non, bah, oh. Bon, on le rappelle, attendez. Hop, c'est parti, on remet le couvert, on rappelle. Allô? Oui, excusez-moi, monsieur, mais on a été coupé. Et du non, coup, on n'a pas été coupé, j'ai raccroché. Bah, ça se fait pas, monsieur. D'abord, on répond à la question et puis on raccroche. Et avant de poser des questions à la con, on se présente aussi. Bah, je m'appelle Toff, monsieur, je vous l'ai dit. Ah, la première chose que vous m'avez posée, c'est votre question. Et après, c'est quand je vous ai posé la question, vous êtes qui? Vous m'avez dit, vous êtes Toff. Voilà, c'est ça. Donc et... moi, je vous dis, allez vous faire voir et je vous réponds pas. Et si vous continuez encore à me casser les couilles, je porte plainte. Bah non, monsieur, enfin, vous allez pas porter plainte parce que je vous pose une question. Et j'ai pas envie de vous répondre, cassez-moi pas les couilles, monsieur. Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, je veux juste savoir si vous avez fait l'amour dans un lieu public ou pas. Il est lui, ouais. C'est pas compliqué, monsieur, comme question. Et si j'ai pas envie de répondre, ça change quoi? Bah, c'est dommage, parce que je serais obligé de vous rappeler, monsieur. Quoi? pourquoi tu seras obligé de me rappeler? Bah si vous répondez pas, je vais être obligé de vous rappeler. Et si je te réponds, ça te regarde pas? Bah je vais être obligé de vous rappeler. Bah si t'as que ça à foutre. Ah bah oui, techniquement oui. Bah oui, j'ai que ça à faire. Donc on va... Hop. Bah, on rappelle. Bah oui, complètement, oui. Allez. Oui, monsieur, maintenant vous voulez bien me répondre? Bah vous vous êtes trompé le numéro, je pense. Ah non, non, j'étais en communication avec votre mari, madame. Ah bon? Oui, et en fait... Et vous êtes qui? Moi, je suis Toff, madame. Et Toff de où? Toff de chez moi. Ah, Toff de chez toi? Oui. Ah et, ouais. Et je voulais savoir si avec votre mari, vous aviez déjà fait l'amour dans un lieu public. Non, mais je crois que je l'ai fait avec ton père. Ah, c'est possible, et vous avez fait ça où, alors? J'ai pas envie de te répondre. Bah, ça se fait pas, madame, enfin, quand c'est quelqu'un... C'est pas dit que t'as plus de mère, wesh. Mais enfin, monsieur, ça se fait pas, on dit pas des choses comme ça. Ben, vous, ça se dit pas des choses comme ça, ça se pose même pas une question comme ça. C'est lui qui va se reculer. Vous savez quoi, je raccroche, vous me rappelez, je porte plainte demain. Ah non, madame, ça se fait pas. Ah si. Ah non, moi je vous appelle gentiment pour vous poser une petite question, et après, votre mari, il est désagréable, il est vulgaire, et vous voulez poster plainte. Oui, bah oui, apparemment, ils vont porter plainte. Bon, on rappelle, du coup, bah, quand, oui, nous, quand on nous promet des choses, nous. Ah bah. Allez, hop, on y retourne. J'espère que c'est le mari qui va décrocher, il a l'air plus chaud que la dame. Apparemment, elle a baisé ton père. Tu vas rappeler jusque quand? Ah bah moi je vais vous rappeler jusqu'à ce que vous répondiez à ma question, monsieur. Ça dépend, la chambre de ta mère, c'est un lieu public ou pas? Bah non, enfin même s'il y a beaucoup de monde qui y passe, mais c'est pas un lieu public ça, monsieur. Eh, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Bah oui, bah c'est pas pire que ce que vous dites, monsieur, hein, faut un moment... Bon, la réponse c'est non, comme ça peut-être tu vas arrêter de me casser la tête. Eh bah, voilà. Continue tes questions. Bah c'est tout ce que je voulais savoir, monsieur. Voilà, bah je vous souhaite une bonne soirée, monsieur, c'était très gentil de répondre à ma question. Ah, c'était que ça? Bah oui, c'était que ça, c'est vous qui faites des chichis, monsieur, c'est pas moi. Ah, c'est toi qui casses les couilles aux jambes. Mais non, monsieur, moi je vous appelle, je vous pose une question, après vous vous faites des chichis, je veux pas répondre, je vais porter plainte, je vais machin... Et voilà. Alors, si j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de te répondre. Bah oui, mais vous avez fini par répondre, donc au final, la persévérance, monsieur. Donc là, ça y est, là, t'as une érection, là. Ah là, oui, là, j'ai presque joui, monsieur. Ah ouais, bah va jouer avec ta grand-mère, alors. Voilà, bon au moins on a eu la réponse. Hein, oui, on a eu une réponse. Hein. Je me souviens même plus où, tellement il nous a fait chier là, je me souviens plus. Il a dit non. Il a dit non. Ah oui, c'est ça, il avait dit non, oui, bah c'est ça, voilà. Bon, bah très bien, parfait. Bon, bah si vous avez d'autres numéros de gens aussi charmants que ceux-là qu'on pourrait éventuellement appeler avant la fin de l'émission, bah n'hésitez pas surtout. Hein. Vous envoyez tous ces numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Il y a Lola qui dit Toff de chez moi, mort de rire, il va tuer. Appelle Mademoiselle Gabrielle qui est dans une piscine et dans le vestiaire de la piscine. Pourquoi pas, c'est bien, dis donc, grand appétit. Il y a Romain aussi, Toff a baisé dans un lieu public, les chiottes publiques. Ah, ça, j'en ai fait plein. Oh là là, mais c'est dégueulasse, j'en ai fait... Oh, et Secret Kick, qui dit est-ce qu'une salle des fêtes ça compte comme lieu public? Bah oui, dans l'idée. Gabriel également, salut, moi mon toc c'est de m'essuyer les pieds à chaque fois que je passe sur un tapis, même que des fois je m'en rends pas compte. Ah oui, oui, ça c'est une galère, hein. C'est comme ceux qui marchent dans les carrés, dans les carrelages. Ah, ça c'est vraiment des mongols. Ouais, non, mais tu sais, quand il met un pied dedans et le mec il veut pas passer sur la ligne. Mais il y a des mecs c'est comme bizarre. Ça. Ah oui, il y a des mecs, bien sûr. C'est ouf ça. Il y a Jason qui dit mon toc c'est de craquer tous mes os, coups, doigts, pieds, etc. Ah. etc. D'accord. Et Megumi, moi mon toc c'est quand j'ai un ordi sous la main, je peux pas m'empêcher d'aller regarder. Le beau gosse que tu es, Mickaël. Megumi, quel talent, quel bon goût, etc. C'est beau. Mathilde aussi, si j'écoute. Mickaël, demain je vais te crever en cours, mais c'est pas grave. Oh, ça va, Mathilde. Eh, hey, dis-toi que nous on va pas dormir, on va faire la route direct après là. On part après l'émission à 2h, direction Orcière 1850 pour être là demain matin avec vous. Vers, nous on devra arriver vers 9-10h, le temps de faire une petite sieste quand même. Et à midi et demi, on se retrouve en bas des pistes devant l'office du tourisme à Orcière 1850. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. Venez avec votre matos également, nous on a prévu la planche, Toff, Polo aussi. Oui. Et voilà, on va venir, on va débarquer, planche tout le bordel, tout est prêt, tout est ready. Moi je vais voler une paire de skis à Romba là. Et puis, ouais, voilà, tu sais, quand dans les cafés là, tu sais. Ouais, les mecs, ils les laissent tous là, t'en prends une paire et puis tu la prends et puis c'est plié. Je la ramènerai au soir. Et puis, voilà, l'affaire elle est torchée. Bon, allez, appelez-nous, on fera le canular aussi dans une dizaine de minutes. Si vous voulez faire un canular à quelqu'un, vous voulez qu'on le fasse comme tous les jeudis soirs, vous nous appelez, il y a les casques DJ à gagner, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. On va terminer avec Baptiste aussi, je détoque. T'es toujours là, Baptiste? Ouais, je suis toujours là. Parfait, alors il y avait Adrien qui est avec nous d'Écrinville dans le 76. Salut Adrien. Salut. Comment ça va? Oui, ça va, et toi? Bah très bien Adrien, alors toi c'est quoi ton toc? Bah en fait avec les coins et tout des feuilles, je mets mon ongle dedans et ça me fait du bien. Je sais pas quoi. Ah bah d'accord, ok, très bien. Attends, j'ai pas compris moi. Bon, et c'est, qu'est-ce qui te fait du bien dans le délire? Enfin, répète pour toi déjà aussi. Non, mais je veux dire, ça me déstresse. Mais tu non, fais mais comment? Parce que je suis pas capable. Ouais. Tu fais quoi au juste? Bah en fait, je prends le coin et je l'appuie comme ça fort et ça me fait mal. Enfin, je sais pas, ça me fait bien. Ah ouais, c'est spécial. Bah oui. Et ça t'est venu comment? Oui. Bah je sais pas. D'accord, ok. Donc écoute, pourquoi pas hein. Le principal, c'est que ce soit inoffensif. Hein? Bah ouais. Bah oui, partons là-dessus. Attends, il y a Laura aussi qui est avec nous là. Salut Laura, des Bouches-du-Rhône. Salut Mickaël. Comment ça Salut. Va Ça va et toi? Bon, super, ouais, bienvenue à toi. Alors Laura, toi tu voulais aussi réagir par rapport au TOC? Alors moi j'en ai plein. Ah donc, bah vas-y, balance. Fais le premier. J'ai peut-être une solution pour les gens qui en ont en fait. Ah bah moi, alors vas-y, on est encore plus intéressé. Voilà, en fait déjà dès que je mets ben pareil, dès que je mange, je suis obligée de sentir ce que je mange, dans ma fourchette. Et quand je pars de chez moi, j'éteins mon gaz. Mais ça c'est pas un toc sentir. Hein. Non, mais je suis obligée de vérifier 3 fois après de l'avoir éteint si je l'ai bien éteint. En fait, c'est à partir du moment où vous êtes obligée de le refaire plusieurs fois, ça devient un toc. Voilà, c'est ça. Des fois carrément, je ferme ma clé chez moi et puis je réouvre pour aller revérifier. Et c'est pareil pour les appareils qui chauffent et tout. Les fer à repasser, les voilà. Lisseurs, etc. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, mais ouais. En fait, je fais beaucoup de carences en magnésium et c'est vrai que quand je fais des cures de magnésium, ça m'enlève tous ces trucs là. Ah bon? Ça viendrait du magnésium? Bah pour moi oui, et je pense pour les petits trucs comme ça, c'est des carences en fer ou en magnésium, bon. Des conneries comme ça, ouais. Oh, ça tombe bien, j'ai mangé des épinards ce soir. Ah, ben voilà. Tout bien. Va bien, le fer est là. C'est bien, Mickaël. Ben voilà. Ah oui, je suis diététique. Assez content. Exactement. Et vous voyez, aujourd'hui, oui, hein, salade ce midi, puis bah j'ai pas fait exprès, hein. Salade ce midi, puis après, hop là, viande et épinards sans sauce. Je me suis mis bien là. Ouais. Ah ouais, je me suis mis pas mal. Bon, pas de toc. Bah écoute, bah j'aurai peut-être pas de toc, en tout cas pas tout de suite. Il y a Théo également qui est avec nous de Londres. Salut Théo. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bah ça va bien, ouais. Et toi au niveau des tocs, comment ça se passe? Bah en fait, moi mon toc c'est que je me gratte souvent les couilles. D'accord, ouais. Ouais, mais ça c'est pas un toc, c'est du confort. Et non, il y a des morpions plutôt. En fait, je fais tout le temps. Ah bon? Mais pourquoi? Bah je sais pas. Mais ça te gratte vraiment ou c'est juste l'habitude? Ouais, c'est une habitude. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais moi je le fais par exemple quand j'ai des caleçons américains, donc pas le boxer bien serrant, mais des caleçons américains. Yeah, American. Je sais pas comment c'est stuff. Espèce de short quoi. Ouais. Et ouais, même et donc du coup comme t'as les couilles qui pendent, en fait elles collent contre la cuisse quand tu transpires un petit peu. Oh. Et donc du coup c'est la sensation hyper désagréable, donc j'ai tendance quand j'ai des trucs comme ça à me retirer les couilles pour pas qu'elles collent quoi. Oh, mais comment est-ce qu'on peut mettre je déteste les calbutes américains, c'est dans le jean et tout, après c'est ça fait des plis et tout. C'est une angoisse, c'est une horreur. Ah, je déteste surtout ça. la couille qui colle sur la sa couille, sur ça, sa jambe. Oh, quelle horreur. Bon et bah Théo, tu sais quoi, fais comme Laura, tu as mangé des épinards. Okay. Voilà, hop là, comme ça t'es tranquille. Bon, et Laura, t'as déjà fait l'amour dans les lieux publics toi ou pas? Ah bah, je pense qu'on l'a tous fait hein. Ah bah oui, mais où? T'as fait où toi? Ben, à Marseille, sur une voiture. Ah, sur la voiture. Sympa. Sur le après, capot ou sur ben le toit? Ouais, c'est ça. Ah moi, non, jamais de la vie sur le capot, hein. Ça va le démonter. Surtout à Marseille. Ah. Oh bah d'accord, alors ça va. Non mais le après, toit. Après, non, je crois que c'est tout. Le toit c'est top pour le cuni, hein. Tu poses la meuf et t'es debout, Bon, ça dépend, parce que si t'as un Uber mec. Oui bon d'accord, mais ouais, c'est une voiture normale, tu vois. Ouais, c'est clair, t'es pas dans la merde. Et toi Théo? Après aussi dans la rue, faut faire Moi non. Ouais, il faut faire attention Laura. Toi jamais Théo. Très bien, d'accord. Bah dites-nous les autres si vous avez déjà fait l'amour dans les lieux publics. On va en parler, on va faire le canular dans quelques minutes. Et puis on va également je vous ai mis le post également sur le Facebook et le Twitter par rapport à l'amour dans les lieux publics là. Venez nous dire où est-ce que vous avez déjà fait l'amour, on va en parler. Merci Théo, okay. Merci Laura. Oui Théo. Est-ce que je peux passer une dédicace? Bah vas-y, hein, à une seule personne, choisis la bonne. Ok, alors s'il faut du 44 sur YouTube. D'accord, eh ben on l'embrasse, pas de problème. Salut Théo, salut Laura, salut Adrien. Salut. À bientôt. Je pourrais passer une dédicace, s'il te plaît. Vas-y Adrien, choisis la bonne personne, une seule. Au collège Raymond Queneau, à Montchuillet. Très bien, t'as dit à tout le monde que tu passais ce soir, là, tous ceux qui sont dans le collège? Non. Ah bah bravo Adrien là, mais alors comment tu veux faire là? Voilà, tout ce que tu mérites. Il faut leur dire que le soir il y a enfin un truc à écouter à la radio et que c'est sur Fun Radio que ça se passe là Adrien là. Bon, je compte sur toi. Bah oui mais t'oublies, en plus ça vaut bien la peine de faire une dédicace à quelqu'un si tu les as pas prévenus. Voyons. Ouais, leur première demain, il y aura du monde demain. Bon bah ça va, demain on n'est pas là, mais dimanche soir 20h on sera là en direct de Grenoble d'ailleurs. Bon okay. Bah salut Adrien, merci à toi d'écouter en tout cas. Vous bougez pas, on vient juste après ça sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god ! Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, je suis con, moi j'allume pas au micro là. Hop là, ça marche évidemment beaucoup moins bien là tout de suite. Il est 23h48, il n'y a plus de pub sur Fun Radio jusqu'à la fin de l'émission. Ça c'est la très bonne nouvelle. Ouais. On fera d'autres appels avec Tof dans quelques minutes. Il y a un canular qui est prévu aussi avec notre ami Damien dans un instant. Salut, salut Damien. Salut Mickaël. Ça va? Salut. Ouais, ça va et toi? Bah ça va très bien, on va faire un petit canular dans quelques minutes Damien. Ça marche. Très bien, bah bouge pas de là et on a également Thomas avec nous maintenant là, Thomas pour faire la colle, on va la rappeler la colle là maintenant Thomas là pour gagner l'iPad mini. Alors, dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? Voilà, dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? Il y a un message sur SMS qui est arrivé en disant le canapé pour Mickaël. Ah non. Dans la rue? Non. Pour la colle, je propose la niche. Non. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Vous pouvez jouer soit par SMS en envoyant Mickaël espace la réponse au 64900 ou au 6322 depuis la Belgique, soit via le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, vous y allez. Il y a la. Oh, j'ai mis une belle photo en plus. Vous avez vu la photo que j'ai mise? Non, j'ai pas vu. Une magnifique photo où je présente l'iPad. Ah, elle est très belle. Avec mon masque ski de snow. Ah, la visière, le casque, je sais pas comment on l'appelle, les lunettes, vous appelez ça comme vous voulez. T'as vu, elle est belle, hein, Thomas, hein. Ah oh ouais. Ah, belle photo, hein. Tu me trouves beau gosse ou pas dessus? Ah oh ouais. Ah, cool. Merci, Thomas, c'est cool. C'est un bon doux, lui. Oui, c'est bien parti de la communauté, c'est pas mal. Bon, allez, je rappelle que si vous avez la bonne réponse et que vous passez l'antenne, vous gagnez l'iPad mini Thomas Père. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle n'a pas la bonne réponse, ou décroche pas tout simplement, c'est Thomas qui gagnera l'iPad mini. On tire au sort minuit 30, avant minuit 30 de toute façon. Bonne chance Thomas, à tout à l'heure. Merci à toutes. Allez, bouge pas de là. Il y a également notre amie Charlène qui appelle de l'île de Ré là. Salut Charlène. Salut Mickaël. Comment vas-tu ma belle? Bien et toi? Mais écoute, ma foi, plutôt pas mal. Demain, on va faire du ski, donc on est au cool. Enfin, on va pas faire du ski, on va faire du snow. T'as déjà fait ski ou snow? Ski, oui. Du ski, t'aimes bien? Ah, j'adore. Ah, moi, j'aime pas le ski, ouais. Ah non, c'est trop bien. Ah non, j'aime pas. Moi, je préfère le snow. Toi, Charlène. Le snow, ouais, mais le ski, bof. T'as été où? T'as été à quelle station, toi, Charlène? Ah, j'étais dans les Alpes, dans les Pyrénées. Ah ouais, Pyrénées, j'ai jamais fait encore. Il paraît que c'est sympa, c'est vrai. Bon, on verra bien, on verra surtout dans quel état on va revenir lundi. Je pense qu'on va, en termes de fatigue, je pense qu'on va être pas mal. Je rappelle donc encore une fois. Entier, je pense que ça devra aller. J'ai une combinaison, je vous ferai une photo quand on sera là-bas également. S'il m'arrive un truc avec cette combinaison, c'est qu'il y a un moment, faut plus que j'aille là-bas. Ouais, même Robocop, il est moins bien protégé. Ah ouais, j'ai une combinaison avec des protections au niveau des épaules, du dos, du coccyx, des coudes, des bras, des poignets, des côtes également. Enfin bref, normalement, il peut rien m'arriver. Et d'ailleurs, je te l'emprunterai pour le défi. Ah ouais, bah comme par hasard. Tiens, tout le monde se foutait de la gueule avec cet équipement, mais finalement, il sert. Oui, mais c'est parce que là, on va se mettre dans des conditions un peu hardcore. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Donc demain, Orsières 1850, c'est la station de ski. On se retrouve devant l'office du tourisme vers midi et demi. Donc venez nombreux pour ceux qui sont déjà sur la station. Apparemment, ils ont mis Fun à fond dans la station. Donc voilà. Vous qui êtes là à Orsières, demain, midi et demi, devant l'office du tourisme, on sera là-bas. Et puis, vous n'allez pas me rater avec mon pantalon, hein. Ah non. Ça, c'est... Ah bah oui, j'ai un pantalon multicolore, vous allez pas me rater, vous allez voir. Bon, alors Charlène, toi tu nous appelles donc de l'île de Ré, tu voulais réagir par rapport à l'amour dans les lieux publics. Ah, oui. Qu'est-ce que t'as déjà fait comme cochonnerie? Alors moi, j'ai déjà fait au bord d'une route. Oh, c'est pourquoi au bord d'une route? Bah on rentrait de soirée et voilà, au bord de la route. Ah ouais. Bon, ouais. Okay. Mais tu pourquoi au bord de la route? Parce que mais vous êtes rentré à pied? Oui, on est rentré à pied. D'accord. En vélo. Ah, en vélo, d'accord, ok, très bien. Ouais, donc du coup, au bord de la route. Ah ouais, sympa, ouais. Et elle avait envie d'une autre selle. Oui, c'est ça. Combien mesures-tu, Charlène? Je vois pas le rapport. C'est pour me faire une idée de la selle. 73. D'accord, combien pèses-tu? Beaucoup trop. Ah, mais c'est combien en chiffres? 70. Oh, ça va, on bourre en doute ça. Bah oui, quel est ton tour de poitrine? 95B. Ah! Et la taille de la B comme Bénédicte ou D comme Denise? Non, B comme Bénédicte. D'accord. T'as vraiment un problème avec les B et les D. Mais écoute, je comprends pas, c'est toujours dans le téléphone, c'est compliqué. Les B, les D ou alors les P également. Mais bon, on sait qu'en soutien-gorge, P c'est quand même relativement rare. Ouais, ça ferait beaucoup. C'est quand même assez rare. Et la taille du pantalon que tu as acheté? Le 40. Ah oui, non, mais je peux te servir de vélo. Ah oui, il peut venir, il te servira de Vélib. Oui, je peux. Je peux te pédaler les fesses quand tu veux. Oh, super, bah super, très bien. Bah, quelle chance tu as, Charlie. Oh, j'espère là qu'elle s'en rend compte. Ah oui, oh, bah, j'espère aussi qu'elle s'en rende compte. Dis donc, oh là là, une telle chance, ça n'arrive pas tous les jours, je le confirme. Bon, attends, il y a Christophe également qui appelle de Bruxelles. Salut Christophe. Salut Mika. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bon, oui, ça va bien. Ouais. Alors, toi, tu sais où t'as fait l'amour en extérieur, enfin en lieu public? Ah, moi, il y a plusieurs endroits. Donc, déjà la plage. D'accord. À la mer du Nord ou pas? C'est l'angoisse. Non, c'était en Espagne. C'était en Espagne. Ouais, c'est... Plage privée de l'hôtel. Ah, mais alors, c'est pas un lieu public? Ouais, c'est... Bon, ouais, c'est ça. Il y avait pas mal de. On faisait la fête sur la plage, quoi. Donc. D'accord. Bon, ok. Public, ouais. D'accord. Allons devant un cimetière. Oh mais ça c'est glauque. Ça je peux pas. Ah les cimetières non, moi je suis désolé, c'est pas fait pour ça. Il y a bien un endroit que je ne comprends pas, c'est bien le cimetière. Ah, le c'est cimetière, horrible. Non. Moi je l'ai fait, moi je l'ai fait un jour aussi, c'était face à une plage. Est-ce que c'est considéré comme un lieu public la mer? Genre bah oui, sur la l'eau. Mer. Oui, la mer, oui, c'est. C'était sur un pédalo. Bon bah écoute je pensais qu'il allait me dire ouais j'étais sur un bateau de ouf et tout. Ah non, j'étais sur un pédalo. Bah oui. Ah c'est bizarre le pédalo. Bah écoute, il y avait que ça, qu'est-ce que je fasse? Faut avoir un équilibre. Sur un pédalo, non. C'est un truc, il y a deux flotteurs de deux côtés, donc oui, normalement mais ça va. Tu te mets, enfin ça dépend. Ah mais ça dépend si tu fais quelle position tu fais, ouais. Bah, oui, bah bien sûr. Moi un truc que je voudrais faire, c'est sur un scooter. C'est fermer ta gueule aussi, mais. Non, je mais ça aurait été une très très bonne idée ça. Très très bonne idée, ça nous ferait surtout des grandes vacances. Les ce qui vont sur la mer, la merde, je sais pas. Allez, les jet skis. Les jet skis, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, parce que ouais. Ça c'est top, comme c'est bien large et tout, la meuf elle est obligée de bien écarter les jambes. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ouais, ça c'est. Et alors quoi d'autre, Christophe? Bah il y avait aussi au bord de la route, dans la voiture. Ah toi aussi, comme Charlène, au bord de la route. Ouais, mais bon, t'es en train de rouler, la fille elle te chauffe, tu vas pas attendre de rentrer à la maison pour. Ouais. Ouais. Pour continuer quoi, donc voilà, forcément il fallait s'arrêter. Ouais, enfin, moi la seule fois où je l'ai fait sur une aire d'autoroute, j'ai eu les flics hein, donc. Ah moi je l'ai fait une fois sur une aire d'autoroute, mais dans la voiture, mais ça s'est bien passé, j'ai pas eu la police. Ah ouais, si. Mais moi j'ai eu la même chose sur un parking, le parking d'autoroute. Ouais. Et c'était la police de la route et. Dis-moi, est-ce qu'on peut participer? Ils sont garés à côté de moi quoi. Ah mais ils sont garés à côté de moi et en fait il y avait un plus âgé et une plus jeune, donc c'est la fille qui est sortie. Donc moi j'ai dû me rhabiller en vitesse, forcément elle a tout vu. Ouais. Et là elle m'a dit écoutez, vous avez de la chance, c'est moi qui est sorti parce que c'était mon collègue, lui bon il était plus âgé, il n'est pas trop ça. Mais genre il a pas baisé dehors quand il était plus jeune, genre mon avis doit juste être jaloux qu'aujourd'hui comme il est vieux il a plus l'occasion de se taper des petites minettes. C'est ça, moi j'avais déjà fait ça aussi une fois dans un bois. Et putain, il n'y a jamais personne dans ce putain de bois. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il passe? La police, alors que jamais il y a personne, il n'y a personne, jamais quoi. Mais il arrive, gyrophare, je dis oh putain. Donc on a, qu'est-ce que vous faisiez? Rien du tout, dis donc il y a des chambres pour ça. Bah ouais, mais il y a des parents qui sont là, donc bon Mais je crois que c'est glauque, un bois c'est glauque quand même. Bah ouais, mais au moins t'étais pépère. Mais bon, je crois que c'est leur truc que non, mais c'est leur truc aux flics de faire le coup du gyrophare, hein, parce que moi c'est pareil, ils sont mis derrière la voiture. Ouais, pareil. Ouais. Gyrophare à fond de balle et mais tout. Mais pas de sirène quand même. Ah si ouais, histoire de bien faire peur. En même temps, oui, c'est leur truc, qu'ils font pas des pizzas. Non mais oui, ils auraient pu se garer, descendre, ils étaient pas obligés de faire pire. Au moins quand ils mettent les lumières bleues là, tu t'es prévenu. Il y a rien de pire que quand tu fais pas attention, t'es dans un endroit où il fait noir et tout d'un coup t'entends. Sur la fenêtre. Putain, qu'est-ce que c'est? Même le gyrophare, ça fait flipper hein, quand tu s'allumes enfin, derrière toi. Ouais, et ben beaucoup moins que quelqu'un qui vient frapper à ta fenêtre alors que tu t'attends pas du tout à ce que quelqu'un arrive par là, tu vois. Ouais, et qu'il fait tout noir complètement. Non, c'est ouf, mais évidemment, c'est clair. Bon, et d'autres endroits, Christophe? Le bahut. Le bahut, ouais, bahut classique. Ouais. Hein. Non, j'ai jamais fait le bahut, tiens, moi non je plus. Dis c'est classique, mais j'ai jamais fait. Moi non plus, ça puait trop dans les chiottes et dans les salles de classe, j'ai eu l'occasion. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bon, encore un truc à ajouter, Charlène? Bah, il y a eu d'autres endroits aussi, hein. Ah, bah, vas-y, balance. La plage, enfin, sur une table, sur la plage, dans des comment toilettes ça, sur publiques. Une table? Bah, en fait, sur les plages, il y a des tables de pique-nique. Mmh. Donc, sur la table. Et lui, il a fait son pique-nique aussi, hein. Voilà. Mais il a surtout pique-nique. Oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est quoi cette plage avec des tables de pique-nique? Ah, bah, ça se fait vachement ici. Oui, c'est vrai, il y en a, bien sûr. D'accord. Dans les bois. Ok. Bah, t'imagines toutes les fois où t'aurais dû payer 15 000 euros d'amende? Ouais, et pareil pour toi, Christophe. Note, je sais pas en Belgique si c'est 15 000 euros aussi. Bon, ça doit se valoir, à mon avis. Ouais. Je pense. À mon avis, ouais. Ouais, je pense, ouais. Donc 15 000 boules et un an de prison, t'imagines un peu? Putain, c'est trop, vous m'avez dit. C'est violent quand même, c'est très, très violent. Ça fait plaisir. Ah ouais, mais là, c'est quand même scandaleux, là. Bah, merci Charlène, merci Christophe, en tout cas d'être passé. Est-ce que c'est possible d'avoir un taxi? Oui, sans problème, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Tous les deux, vous allez gérer ça avec Sandro, il n'y a pas de problème, on va vous envoyer. Salut Charlène, salut Christophe. À bientôt, on va parler dentiste encore dans quelques minutes. Et puis on va également voir un peu quel va être le sujet de ce canular que nous allons faire avec Damien dans quelques minutes. Damien, est-ce que tu es là? Ouais. Bon, alors, explique-nous qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu veux faire plutôt? Tu veux piéger qui? On va faire quoi? Raconte tout. Je vais piéger mon père et comme je suis en clinique, je vais faire croire que je suis vraiment shooté. Tu vas le faire croire ou tu l'es vraiment? Parce que là, comme ça, c'est difficile de s'en rendre compte. Tu vas lui faire croire quoi? Que je suis shooté. Que t'es shooté? Mais shooté à la drogue? En médicament. Ah oui, d'accord. Mais d'accord. D'accord, ok. Et ok. Mais alors, si t'es en clinique, ça tombe sous le sens que t'es médoc. De quoi? Je dis, si t'es en clinique, ça tombe sous le sens que t'es les médocs. Ouais, mais sauf que j'ai des doses élevées. Comment? Je vais dire que j'ai des doses élevées. Quand t'as des doses élevées? Mais t'as pas autre chose? T'as pas un autre sujet? Parce que si t'es en clinique, déjà, techniquement, bon, ce serait peut-être plus drôle un autre truc, je sais pas moi. Moi, j'ai vu, tu l'appelles, t'appelles ton père et tu lui dis que t'as bien mangé ton repas. C'est un bon canular, ça? Non, ou que t'as mangé d'une pomme. Non, mais si, attends, mais y a rien de mieux. On l'appelle, tu dis, ouais, papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi, je dois te dire un truc, non, vas-y, quoi? Oh, ouais, j'ai mangé une pomme. Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il a mangé une orange? C'est comme ça, il y a le marchand qui pourra venir. Et qui a volé l'orange du marchand. Exactement, ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça paraît pas mal, ça? Je vais quand même prévoir un ancien canular des fois que. Des fois que, ouais. Dites-nous s'il y en a que vous voulez écouter en particulier un vieux qu'on ait fait, parce que je sais pas pourquoi je pense que celui-là m'a l'air un petit peu particulier. On verra. On verra, ça se trouve. Très drôle. Ça se trouve, on va se marrer. Mais ton père, il est plutôt du style assez colérique ou pas? Il est contre les médicaments, alors du coup. Il est en clinique, mais il est contre les médicaments. Ouais. Bon. Ok. Eh ben écoute, très bien. On va essayer de l'appeler dans quelques minutes. D'accord. Donc tu vas dire que t'as mangé une pomme? Je vais dire que je vais faire la voix du shooté. Comment? Je vais faire la voix du shooté. Oh bah t'emmerdes pas, t'es déjà bien dedans là. Hein, te fais pas chier non plus. Hein. Attention, Actor Studio ce soir. Ouais, te fais pas trop chier. Je vais faire et donc la tu vas tu vas lui faire donc tu vas faire la voix du shooté. Est-ce que tu peux me faire un exemple de comment ça va être? Ok. Alors imagine je suis ton père. Oui, allô? Ouais, allô? Oui. Papa, j'ai forcément que je te dise un truc. Oui. Est-ce que tu peux m'écouter? Oui. Ben voilà. J'ai t'as mangé une pomme? Comment ça t'as mangé une pomme? J'ai pris le dégoût. Je t'avais interdit de manger une pomme. Ah bon? Ah oui. Il ne faut pas manger de pomme. Oui, bonjour, je suis le marchand de pommes. Bonjour. Oui, j'ai vendu des pommes à votre fils. Une honte. Hop, voilà, on s'est débarrassé du marchand de pommes. Ça marchera? Mais bien sûr, attends, évidemment que ça a marché. Non mais c'est sûr, regarde, tout le monde rigole déjà. Non, faisons ça, faisons le coup du marchand de pommes, je pense qu'on peut être pas mal. Ah j'ai une idée. C'est l'idée? Ah t'as quoi? Attends, t'as une autre idée, c'est quoi? C'est le fameux marchand de pommes que c'est tombé sur une pomme empoisonnée. Bah très bien. Voilà. Non, parle pas de poison, parce que poison c'est dangereux, tu vois, après il peut s'inquiéter. Mais une pomme, tu peux tomber sur une pomme avariée. Avarié. Elle est périmée, tu vois, genre elle est plus bonne, elle est toute plate, elle est toute molle. Ouais, parce d'accord. Que il était prêt à partir avarié, donc. Ouais. D'accord. D'accord, on fait ça? Ouais. Bon, prépare-toi, on va faire ça d'accord. Après, ok? Ouais. Bon, bouge pas, Damien, là. Je sais pas pourquoi, mais il y a le prince là qui dit le canular SM. Okay, c'est quoi ça? Ah oui, ah, je me souviens. Il fallait faire un gâteau. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui disaient aussi remettez la bombe. Il y avait le coup de la voiture qui était pas mal. Ah oui, alors la bombe, c'est quand on avait appelé un pompier pour lui faire. Bon, c'est un mec qui avait appelé son oncle qui était pompier pour lui faire croire qu'on avait acheté tout ce qu'il fallait sur internet pour faire une bombe et que là elle allait péter. On savait pas comment faire pour la désamorcer. Donc ça a été aussi le bordel, un bordel sans nom. Et puis on avait aussi le coup de la voiture où un mec nous avait appelé pour faire croire à ses parents qu'il s'était fait arrêter avec. Il y avait des flics sans permis, tout le bordel, c'était la catastrophe. Donc voilà, et alors il y a quoi aussi? Il y a Roms qui dit son idée est trop con. Le mec est trop shooté déjà, c'est Mathis. Célia également, vous êtes con. Mais oui, mais bon, écoute. Mathis qui dit je vais manger une orange en clinique. Kevin également, mort de rire, il est déjà shooté. Lola qui pense pareil aussi d'ailleurs. Et Jeanne Françoise qui dirait que la présentation du canular c'est mauvais. Écoute, on On verra, hein, on verra. Il y a Fred aussi, chaud le canular mais faisable. Ah bon, bah dis donc, toi t'es vraiment positif, hein, Fred. Ah oui, il y a des mecs comme ça, ils y croient jusqu'au bout. Ah ouais, ouais, ouais, c'est clair. Bon, on va en parler, on va parler de tout ça dans quelques minutes. On va faire également les teubés de la télé dans quelques instants. Et puis on va se mettre un des sons que je préfère pour l'instant, normal, parce que il nous fait bien chiller. À pas confondre avec chier, bien entendu, ouais. Ça c'est top. Hein. Ouais. Lui, il nous fait bien chiller, c'est Route 94 avec My Love. On est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël No Limites. Soyez les bienvenus, prévenez vos potes, il se passe enfin un truc le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe, 23h, 2h. Voilà le son de Route 94, c'était My Love. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag M-I-K-L sur Twitter. Mickaël, No Limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, prévenez vos potes, on est là tous les soirs de 23h à 2h. Et puis je rappelle que dimanche soir, on sera en direct de Grenoble. On sera chez Mathieu, un auditeur dans le centre justement de Grenoble. Vous pouvez venir nous rejoindre évidemment. Il y a un message d'ailleurs d'Adrien qui dit bonsoir. Petite info concernant demain à dimanche. Pour vous croiser et potentiellement choper une GoPro, où est-ce qu'on doit vous retrouver? À la caserne de Bonne ou au Mélis? C'est à quoi? Alors c'est sur dans les jardins du. Alors attendez, parce que j'ai mis l'adresse, enfin j'ai mis le truc plus précis sur le Facebook tout à l'heure. Attendez, je vais le rechercher là, voilà c'est ça. Donc on se retrouve sur où est-ce que c'était là? J'ai oublié. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, dans le jardin de la caserne de Bonne, à côté du cinéma Le Mélis. Donc, pour vous offrir une GoPro, justement, si vous voulez venir jouer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Ce sera dimanche soir, vers 16h, donc, à Grenoble. Et à 20h, on fera l'émission en direct de chez Mathieu, un auditeur qui nous accueille très gentiment chez lui. Il y a un message également de Christophe qui dit, sinon, il y avait celui avec Mehdi qui joue au poker à Marseille. Ah, ouais, il est pas mal. Il y a Jojo qui dit, je veux manger une banane empoisonnée, moi mort de rire. Et Kevin qui dit, franchement, si le père croit à ça, la prochaine fois, je m'inscris pour faire croire à mon père que j'ai mangé des cerises grises. C'est une idée, hein, écoute. Qui ne tente rien à rien. Bon, avant de faire le canular, là, avant de tester le canular, d'essayer de faire le canular, eh bien, on va parler des anges de la télé-réalité où on a encore du très lourd, voire peut-être même plutôt de la lourde en fait. Bah, tu me prends pour qui de me dire ça? Je me prends pas pour qui, c'est ce que je pense. J'ai le droit de te dire que t'es lourde. Je te trouve lourde, j'ai le droit de te dire que t'es lourde. Voilà, après si tu le prends mal, c'est peut-être parce que la vérité blesse, je sais pas. Ça m'a vidé parce que j'avais envie de lui dire. Je peux pas garder pour moi ce que j'ai envie de dire aux gens. Je suis comme ça, j'ai envie de lui dire ce que je pense. C'est méchant, je le sais, je suis conscient que ce que je lui dis, c'est pas gentil, mais c'est comme ça, ça jette un froid de fou dans la voiture. Voilà, bon finalement c'est lui le lourd. Hein. Bon, dans 90 minutes, coulisses sur TMC, on apprend comment parler le cochon. Nous voilà rassurés. Pour le cri du cochon, il y a plusieurs critères. Vous avez le cri normal qui font le... Ah, il fait bien. Après, vous avez les petits, quand la mère, elle allaite, donc une autre façon quand elle allaite. Et donc là, les petits, ils font... Et après, la mort du cochon, vous faut vraiment pousser à fond, on fait... Voilà. Ça c'est la mort du cochon ? Oui, ça c'est tout à fait la mort du cochon. N'importe quoi. Enfin bon, je dis pas que c'est pas ça, hein, mais c'est un truc de ouf. Et si vous avez un petit creux, eh bien j'ai la solution, coupe fin. D'après un article qui est paru sur slate.fr, des chercheurs espagnols ont créé un saucisson, écoutez bien, qui contiendrait 3 souches bactériennes isolées à partir de sel de bébé et de caca. Et vous allez bébé. Tous en goûter. Oui, de caca. Est-ce que vous préférez ce mot? De caca, de bébé, mais, très important, ça serait supposé, Justine, être bon pour la santé. Ouais, couper la faim, oui, ça c'est une certitude. Ça coupe la faim à jamais cette connerie. Hein. Ouais. Imagine tu bouffes de la merde. La merde de bébé. Alors de bébé ou d'autres choses en fait, hein, dans l'absolu, ça change pas grand chose. La friterie Elba qui dit oh putain ça va être du lourd là, je vais arrêter de travailler pour écouter ça. Master Fox, le canular de merde avec la pomme. Il y a Philippe depuis l'application Mickaël No Limites sur iTunes qui dit il est complètement déphasé. Et Drakit qui aussi mort de rire, ces sujets sont trop drôles quand même. Ah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon alors Damien, est-ce que t'es prêt là? Ouais. On va parler avec Johan, Kevin et Ange dans quelques minutes des endroits où on a déjà fait l'amour. John pour parler du dentiste. Et Damien, donc tu veux faire un canular à ton père. Et on va l'appeler donc pour lui dire que t'as mangé une pomme. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez mettre des effets spéciaux? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux comme effet? Tu veux quoi comme effet spéciaux? L'effet du monde au supermarché, au marché, parce que pour le marché de pommes. Ah bah évidemment. Alors attends, je vais mettre... Ambiance, oh non, ça c'est l'ambiance fin du monde. Alors attends, est-ce qu'il faut que je trouve là? Tu m'as pris de court là.

Oui. Non, je te prends pas la tête, va. Je suis plié trop fort, le gars, il prend quoi? Il y a Antoine aussi, c'est de l'équipe, rassurez-moi, vous allez en refaire un là, car entre lui et jeudi dernier, c'est la paire là. Ah oui, c'est vrai. On a pu se rigoler cette fois-ci quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Ah, ouais. Et Roms qui dit trop bon, je suis plié de rire, et le Bosniakov qui dit tellement fucking ouf ce canular, mort de rire, le con. Et Team Zone A qui dit c'est quoi ce bouffon? Oh putain, je rigole. Et Yaku aussi, Nes qui dit le scénario du canular est génialissime. Ah, je vous avais dit que ça allait être du lourd. Hein. Bon, on va remettre, mais celui de la bombe. Il y en a Bolin qui avait demandé celui de la bombe. On l'avait fait il y a longtemps, hein. C'était au mois de novembre. Donc pour tous les nouveaux éditeurs, vous connaissez peut-être pas, bah justement on va le faire dans quelques minutes. Et puis on va également parler avec Baptiste, avec Ange, avec John, avec Johan, avec Kevin et avec Thomas dans un instant pour la colle et donner la réponse à la colle également sur Fun Radio. On va revenir, ne bougez pas de là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, il est minuit 20, on est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. C'est Mickaël, nos limites. Soyez les bienvenus si vous arrivez. On écoute Afrojack maintenant, c'est 10 feet tall. I'm clumsy, 10 feet tall. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est effectivement en direct, il est minuit 25. On fera le canular tout à l'heure avec Mathieu pour la bombe. On aura aussi les appels de Toff dans quelques minutes. On aura la réponse aussi d'ailleurs à la colle de Thomas pour gagner l'iPad mini. Et puis plein de messages à Christophe qui dit quoi, t'as mangé une pomme, une orange, t'as bu du jus de fruits et t'es dans un monde parallèle. Heureusement que vous êtes là, mort de rire. Et Lola qui dit vous êtes trop des ouf, je vous kiffe, je peux pas me passer de vous, c'est obligé que je vous écoute malgré les cours. Ouais bah pas trop tard non plus Laura, hein. Et Jean-Philippe qui dit avouez que ce canular est un canular, ça m'a tué. Oui oui, c'est un canular, hein, je confirme. Il y a Paul PC28, la bombe, il est trop bien, il a fait exploser de rire. Et Cameron également, à moins que je me trompe, c'est bien Toff le daron. Oui oui, bah oui, parce que le père ne décrochait pas, donc du coup on a improvisé ce qu'on a pu, hein. Et Toff joue bien le daron, hein. Ouais, t'as vu, ouais, j'étais crédible, il a fait ça toute sa vie. Daron, ouais, grave. Il y a Robin qui dit Toff qui baisse dans le coffre de toit de bagnole, ça doit être énorme. Non, c'est pas dans le coffre de toit, c'est sur le toit. Ah, sur, c'est le, sur toit. Le toit, tu poses le cul de la meuf sur le toit et tu peux lui faire un cuni. D'accord, ok, d'accord, ok, ok, ok, ok. Bon, et on va prendre John également pour parler dentiste là. John, t'es là? Ouais, je suis là, bonjour Mika. Comment ça va? Ben, ma foi, tranquille, ouais. Bon. Je prends du boulot donc. Ça va, ah, bah, très bien, tu fais quoi de la vie toi? Je m'occupe de personnes déficientes mentales, donc les TOC, j'en connais, tu vois, voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais les TOC? Les TOC. Ah, j'ai entendu ouais, les TOC. Les TOC aussi, hein, tu me diras à mon avis, hein, mais bon. Bon. Non, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a pas de ce cas-là. Ah bon, bah, écoute. Bon, John, toi, tu voulais parler du dentiste? Ouais, donc. Parce que j'ai tombé sur un site qui disait qu'un Belge, 7 Belges sur 10 n'allaient pas au moins une fois par an chez le dentiste. Ben, moi, violent. Là, j'y suis des derniers mois, là, j'y suis allé toutes les semaines parce que voilà, j'ai une dent qui s'est cassée. Ouais. Et donc, du coup, ma dentiste a dû me dévitaliser la dent. Ouais. Sauf qu'il y a eu un souci, elle a dû me piquer 10 fois autour de la dent pour qu'elle puisse. Oh là là, putain, pourquoi elle n'arrivait pas à m'endormir? Ben, je sentais toujours une douleur quelconque, donc au niveau des dents, c'est super violent, mais voilà, elle a beau me piquer dans tous les sens, rien à faire, quoi. Donc, j'ai eu 10 piqûres. Mmh. Par contre, l'anesthésie m'a duré à peu près 6-7 heures après. Ah oui. Mais pendant 6-7 heures, je pouvais même pas fumer une clope parce que ben, j'avais tout le côté du visage qui s'endormait, qui. Putain, l'angoisse. Bon, voilà. Tu sais, c'est quand tu vas, quand tu sors chez le dentiste qui t'a fait une anesthésie, c'est que t'as l'impression que tout pend. Ouais. T'as tout. Voilà, alors que rien ne pend, hein, mais t'as l'impression que tout tombe, ouais, en fait. C'est horrible, c'est horrible cette sensation. Je déteste, ça fait des années que j'ai plus eu ça, heureusement. Ouais, mais c'est vrai désagréable. Sauf que ça, normalement ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, mais là ça m'a duré 6-7 heures. Ah bah oui, s'il a piqué 10 fois dedans, tu penses, ouais, c'est clair. Oh l'angoisse. Bon, bah, voilà. Très bien, depuis tu vas chez le dentiste tous les combien de temps? Ben là j'y suis allé il y a 2 semaines et je dois y retourner la semaine prochaine. Ouais, mais ça c'est parce que tu dois faire des interventions, mais je veux dire, sinon, juste pour la vérification, tu vas tous les 6 mois, non? Tous les trimestres. Ah ouais, carrément, ouais. Donc d'accord, ok, tous les 3 mois, d'accord, ok, très bien. Bah merci John d'avoir appelé. Pas de problème. Et tu reviens quand tu veux, John. Ouais, pas de problème. Ça roule, à bientôt John, salut. À bientôt, bonne soirée. Ciao. Il y a Ange qui est avec nous également de Charleville-Mézières. Comment ça va ma belle? Non, ça. Oh merde, putain, c'est un mec, quelle horreur. Ah, ben, oh merde. Bon, mais comment c'est que tu t'appelles Ange? C'est pour les filles d'habitude? Ouais. C'est non, pour les filles toi, et les corses. Un ange, c'est masculin. Ouais, un ange, ouais, mais en général, c'est plutôt les filles qui prennent ce pseudo. Bah ouais, bah, mais pour elle, vous se dites que c'est ouais. Enfin, bon, à la base, je vais m'appeler Angela, tu vois, et tu sais que tu m'as déçu, là, moi je m'attendais vraiment à voir, oui, bonjour, tu vois, une voix de fille, etc. Ah, bah, désolé. Et là, j'ai deux couilles. Oh. Oh. Déception totale. Ah oui. Bon, Ange, sois le bienvenu du coup. Alors, toi, t'as déjà fait l'amour dehors? T'as déjà fait ça où en lieu public? À Disneyland Paris. À Disneyland chez Mickey, c'est pas bien dans un pays de. C'était malsain. Oui, bah c'est ça, t'as fait ça où? En fait, tu vois, t'as le premier guichet dehors. Ouais. Après, tu rentres dans le grand château, il y a toutes les vitrines. Ouais. Eh ben en fait. Attends, coupe ta radio, Ange, parce que t'as la radio derrière, du coup ça fait d'écho. Excusez-moi. Voilà, bon, ça fait. Vas-y, vas-y. Et donc après t'as l'autre guichet pour rentrer dans le parc, et en fait tu tournes à droite ou à gauche, t'as des escaliers qui montent vers les bureaux ou les secrétariats. Et dans les escaliers quoi. Ah carrément, mais tu t'es pas fait gauler parce qu'il y a plein de monde qui passe par là. Et puis surtout, il y a des caméras partout. Non, il y avait personne qui passait. Y a personne. En fait, t'as les escaliers, ils montent en sorte de comment tu sais, c'est en tourbillon quoi. En fait, on les monte assez haut quand même quoi. En colimaçon, comment dire. En colimaçon, merci. Tourbillon. En colimaçon. Ah oui, t'as fait ça là-dedans, d'accord, ok. Mais bon, bah t'as eu de la chance de pas te faire gauler parce que t'imagines, y a quelqu'un du personnel qui passe par là. Ah ouais, c'est vrai, ça aurait été bête. Et t'as fait, mais ça a duré longtemps, non? Bon, il y a 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Ah, ou quand même, hein. Non, 10 minutes. Et donc, toi, tu vas à Disney pour baiser ta meuf. Bah, c'est ça. Bah, c'était son fantasme, elle, alors... Ah, d'accord. Donc, t'as rendu service, quoi. Voilà, c'était ça. D'accord. Moi, c'est pour rendre service aussi, donc... Bah, j'imagine. Après, on a passé une bonne journée, quand même. Bah, sans déconner, tu m'étonnes. Attends, il y a Alexandra aussi qui est avec nous. Salut, Alex. Allô. Oui, Alexandra, bonjour. Ça va, Mickaël? Tu es une fille, Alexandra, hein. Oui, bien sûr, non, que je suis une fille. Et comme je me suis fait niquer avec Ange, là, je vais être sûr. Hein. Non, tout va mais bien. Je suis une fille, moi. Bon, très bien. T'as 21 ans, t'appelles de Lyon, toi, Alex? Oui, c'est ça. Bon, où est-ce que t'as déjà fait l'amour? C'est quoi ce petit accent, Alexandra? Ah, roumaine-italienne. Roumaine-italienne? Ah oui, c'est un bon mélange. Ouais. Ah ouais. Combien mesures-tu? Mais alors, papa est roumain ou italien? Il est roumain. Et maman est italienne, donc. Voilà. D'accord, ok. Ah ouais, mélange sympathique, hein. Mais je trouve aussi, combien mesures-tu? Oui. Alors, moi je vais te dire où j'ai déjà fait l'amour. Non, tu vois, ça s'appelle une tôle, ça t'offre. Combien mesures-tu, Alexandra? Pardon? Combien est-ce que tu mesures? 1m70. Voilà, combien pèses-tu? 53. Quel est ton tour de poitrine? 95B. D ou B? D. Ah, D comme Denise, ah oui. Ah bah ouais, italienne, voilà. Hein. Comme des énormes seins. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Bon, on fera une halte à Lyon ce soir. Non, parce qu'on va quand même jusqu'à Orcières en passant à Grenoble, donc Lyon c'est la route quoi. Je t'attends. Bah oui, nous on passe. Bon alors ce soir nous on arrive en pleine nuit, hein, en revanche. Bah justement, on savait pas où dormir. Bah voilà, c'est ça, on va faire une petite halte. Ça fait quoi? Ouais, c'est 4 heures de route là jusqu'à Lyon? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Grosso modo quoi. Bon bah très bien, parfait Alexandra. Bon, et t'as déjà fait l'amour où ça toi? Alors, je l'ai fait sur le capot d'une voiture. D'accord, ok. Et sur le toit de mon immeuble. Sur le toit de ton immeuble, c'est-à-dire? Jacuzzi, etc. Voilà, quoi. Ah, t'as un jacuzzi sur le toit de ton immeuble? Voilà. Ouais, il y a beaucoup ça à Lyon, il y a des piscines et tout. Ouais, des piscines, voilà. Ouais, mais jacuzzi. Ah ouais, d'accord, ok, sympa ça dis donc. Ah ouais, c'est sympa, je t'attends. Eh bah écoute, on savait pas encore où faire l'émission quand on viendra à Lyon, un de ces quatre. Ouais, eh bah je pense que le jacuzzi chez Alexandra me paraît pas mal, non? Ah, bah écoute, moi j'ai envie de dire, on passe par là ce soir. Hein. Sur le toit et tout, pépère. Je vous attends. Ouais, puis on va arriver, on va rester comme des cons, bah, tu vas voir. Ah bah je me suis endormi. Ah ouais, je dors, exactement, ouais. Bon, et tu t'es jamais fait de gauler? Pardon? Tu t'es jamais fait te gauler par les flics ou par quelqu'un d'autre? Ah non. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah très bien. Et c'est quoi ton autre fantasme en lieu public? Où est-ce que t'aimerais bien le faire? Bah franchement, je sais pas, dans un champ. Dans un champ, bah oui, écoute. Entre les vaches. Pourquoi pas? Non, pas les vaches. Non, pas les vaches, non, mais dans un champ apparemment. Non, non. Bon. Ok, d'accord, pourquoi pas, c'est une idée comme une autre, tout à fait. Ça te tente ou pas? Et un champ moyen quand même, Alexandra. Hein. Ouais, c'est un peu froid quand même là. Ouais, là c'est peut-être pas encore la meilleure période de l'année si tu veux pour tester dans un champ. Hein. Alors que Toff, lui, il est chaud pour faire ça à la neige. Hein. Mais grave, enfin, à la montagne. C'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais, j'ai jamais fait. Ah ouais. Ouais, une petite branlette sur le télésiège, mais c'est tout, rien de plus. C'est déjà pas mal. Quelle horreur. Mais c'est pas moi, c'est Toff qui parlait, Alexandra. Moi, je te bourrerais bien le cul aussi. Oh, Toff. Tout de suite dans la grande classe. Tout de suite dans la grande classe. Bon, et bah écoute, Alexandra, et bah écoute, merci beaucoup. Et puis quand on passe à Lyon, avec plaisir, on fera l'émission en direct de ton jacuzzi. Il y a pas de souci. Hein. J'espère. J'attends. Avec plaisir. Hein? Gros bisous, Alexandra. Allez, bisous. Oh. Salut, salut. Oh. Ciao, Alex. Salut, bye. Ciao. Bon, Ange, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux, hein. Ouais, je peux faire une dédicace. Allez, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Ah ben, bah, j'en choisis deux, je peux. Non, une seule. Ah ben, bah, ça sera Jessica, alors. D'accord, ok. Donc, elle est bonne, Jessica. Ouais, ça va, ouais. Elle est pas mal. Et t'as envie de lui casser les pattes arrière? Ah ben, bah, franchement... Pourquoi pas, si pourquoi pas. Que tu lui lécheras le téton pour moi. Ouais, bah le message est passé comme ça. Bon, on l'embrasse, Jessica, alors. Salut Ange, à bientôt, bonne, ouais, bonne soirée salut. À l'écoute de Fun. Bientôt, salut à toi. Retour avec, dans un instant, bah Baptiste, on va laisser travailler avec ces tocs là. Baptiste. Ouais. Bon, bah je t'aurais pu te dire au revoir avant, cela dit. Hein. Mais merci à toi d'avoir appelé en tout cas pour les tocs. Je peux avoir un pack fun et passer une dédicace. Évidemment, tu vas gérer ça avec Sandro et la dédicace. Bah vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Bon, attends, je peux pas avoir plusieurs personnes. Bon allez, deux personnes. Ok, c'est cool. C'est une petite dédicace au Pirate Sud du 72, tu mens. Ouais. Et donc une dédicace à Fatal Benoît, mon frangin quoi. D'accord, eh ben le message est passé. Salut Baptiste, bon taf jusqu'à 5h40. Ouais, vas-y, salut. Salut à toi Baptiste, à bientôt, merci à toi d'avoir appelé. La colle, la réponse maintenant, enfin maintenant, dans quelques minutes, on va appeler, on va récupérer Thomas pour la colle, on va récupérer Kevin et Johan pour parler des lieux où vous avez déjà fait l'amour, et puis on va faire également les appels avec Toff, ce sera juste après l'excellent son de Clean Bandit, qu'on demande très régulièrement d'ailleurs, hein, vous avez été nombreux avec le hashtag Mickaël à le demander, c'est Rather Be qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, il est minuit 35, on est au cœur de la nuit, sans pub, donc on est en mode pépère et on chill jusqu'à 2h du matin. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Et restez sur Fun Radio puisque je vous cale dans quelques minutes. Encore un son que vous demandez assez régulièrement là, le son de Black Pearl. Rebel. Pop. Ouais, ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bon, si vous avez envie d'écouter un son en particulier d'ailleurs, n'hésitez pas à demander comme d'habitude. Hashtag et Mickaël ou alors en nous appelant 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, on est toujours en direct évidemment avec vos messages qui arrivent évidemment. On aura aussi la bombe tout à l'heure avec Mathieu, c'était pour le canular. Léo également qui dit Toff aime la branlette dans un télésiège, mais c'est le mec dans les bronzés qui reste coincé en fait, je comprends mieux. Oui c'est ça, ouais. Il y a un peu de ça, c'est Michel Blanc. Kevin également sur le Twitter qui dit je confirme, on voit vos gueules de partout à Orcières les gars, c'est super. Cool, ça fait plaisir. Ah ça bon. Eh oui, la relève libre antenne nouvelle génération est au top, je me retrouve comme il y a 20 ans à me taper des barres de rire nocturne en marchant dans la rue sous casque. Sous casque. Sous casque. Avec ton casque ou sous ton casque de moto, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci pour le message, c'est très gentil. Et Julie également, marre de ma radio qui marche pas, obligée de tenir un fil pour vous écouter, mais bon, c'est pour Mickaël. Bah, Julie, écoute par internet, au moins t'es pas emmerdé avec le fil. Et Lilo, aussi, dans les toilettes d'une gare pour l'amour dans les lieux publics. Bertie également, Mickaël, un petit message de bienvenue à Amélie qui s'en va demain et que j'aime, s'il te plaît. So sweet, alors un petit message de bienvenue. Eh ben, je propose qu'avant qu'elle s'en aille, je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, eh ben, tu lui fais ça, hein, c'est ça qui est bien. Il y a homme du midi qui dit aussi, moi j'ai fait l'amour au bureau d'accueil du camping de mon lieu de travail, au bord de l'eau, à la pêche et en rentrant chez moi avec ma belle-sœur dans la cage d'escalier. Avec ta belle-sœur, ah bah bravo. Enfoiré. C'est horrible. Et Aurore aussi, coucou l'équipe. Alors moi, l'endroit public pour faire l'amour où j'ai testé, dans un cinéma, un ascenseur, la plage, la voiture, dans un champ, dans une forêt, dans les toilettes publiques. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est, Aurore, c'est ouais, continuez votre émotion et le déchire. Bah j'imagine que t'as voulu dire émission. Je peux gratter un pack fun s'il vous plaît. Oui Aurore, mais tu dois simplement faire un mail à sandro@funradio.fr avec tes coordonnées. Et Mystique il dit, moi j'ai déjà fait l'amour dans un parking souterrain. Oh ça dépend lesquels, mais c'est un peu glauque quand même. Hein. Ouais mais c'est un classique. C'est le parking souterrain. C'est un classique. Bon, en parlant de classique, où est-ce que vous avez fait l'amour? Bon, on va appeler les gens, hein, grâce au numéro que vous nous avez envoyé toute la soirée sur toph@funradio.fr. On appelle maintenant, c'est parti. C'est parti. Allez, on a dû s'y prendre à 4 fois tout à l'heure pour avoir une réponse. Certes négative, mais quand même. Et on aura Marc. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour dans un lieu public. C'est une blague? Non, c'est une question. Et vous êtes qui? Je suis Toff, madame. Pardon? Non, je dis je suis Toff. Vous êtes Toff? Oui, c'est moi. Toff? Oui, Toff. C'est votre prénom? Oui, enfin c'est mon prénom et mon nom. Oui, bah, c'est intéressant. Bah tout à fait. Mais ça répond pas à ma question tout ça, madame. Bah attendez, pourquoi vous me posez cette question? Bah pour savoir. Et pourquoi, de quel droit vous permettez de m'appeler pour me poser cette question? Ah bah j'ai pas de droit, madame, je vous appelle comme ça pour vous poser la question. Et vous avez déjà rencontré un psy? Non, pas vraiment. Pourquoi voulez-je rencontrer un psy? Bah, parce que si vous n'êtes pas commandité pour faire une étude et que vous posez ce genre de questions et que vous appelez des milliers de personnes, je comprends, pour leur poser cette question, je me pose moi des questions sur votre santé mentale. Bah non, mais je pense que ça va, hein, madame, il n'y a pas de problème. Et vous faites une étude dans un but de, je sais pas, de faire une thèse ou... Ah non, c'est juste pour passer le temps, hein. Demain je poserai une autre question. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est juste là, j'avais une question, alors comme je me la pose, ouais. J'appelle des gens pour trouver des réponses, quoi. Oui, voilà. Et ben, moi je serais vous, je consulterai. Hein. Non, ben... mais je consulte déjà l'annuaire, hein, pour trouver les numéros. Oui, bah, j'imagine bien. Bah, consulter un psy, à mon avis, ça vous coûtera moins cher. Ok, merci. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Oh merde, putain, il faut la rappeler. Ah oui. Oh, bon. Elle était relou. On a l'impression d'avoir appelé le psy, là. Bon, bah, on la rappelle, mais pose la question directe, hein. Elle va t'en fumer, c'est un psy, hein. Elle va te poser des... En fait... Oui, excusez-moi, mais vous avez pas répondu à ma question, madame. Oui, non, mais attendez, moi, je vous appelle pas. Non, c'est moi qui vous appelle pour vous répondre et à ma question. Ça s'appelle du harcèlement, monsieur. Ah, mais non, pas du tout, madame. C'est parce Attendez, alors, on remet les choses en place, je suis juriste. Oui. D'accord. Vous voulez que je vous explique un petit peu ce qu'il en est, d'accord? Je ne vous ai pas demandé, un, de m'appeler... Deux, vous me posez une question, mais vous pouvez me demander si je consomme de l'eau de Vittel ou de l'eau d'Evian. C'est pas un problème, d'accord? La nature de la question n'influe pas absolument sur le problème juridique, d'accord? Mais là, ça s'appelle du harcèlement. Je n'ai pas à vous répondre. Vous pouvez toujours m'appeler pour me poser la question, mais je n'ai pas à vous répondre. C'est mon droit de ne pas vous répondre, d'accord? Maintenant, c'est mon droit de vous conseiller d'aller voir un psy, parce que là, vous êtes désespéré, monsieur. Je suis désolée si vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Moi, à mon avis, faites l'amour dans un lieu public, ça vous fera beaucoup de bien, monsieur. Oui, mais vous l'avez déjà fait, madame, ou pas? Au revoir. Mais attendez, vous avez pas répondu, madame. Oui, bah, allô, on l'appelle plus. Ah, bah, tant pis, c'est bon, on va plus l'appeler. Elle nous a pris la tête déjà, là. Ah, mais c'est vrai, quand même. Bon, il y a Julie qui dit aussi ça, Julie sur le Twitter. Moi aussi, je me pose des questions sur la santé mentale de Toff. Oui, bah, il y a pas que toi, Julie, hein. Ah, c'est un con, non? On s'en pose pas. Colline aussi, sur le Facebook. Je savais que Toff avait des problèmes psychologiques. Il doit consulter un psy. Cela confirme mes soupçons. La friterie Elba qui vient de vous. Il y a déjà fait dans le studio de radio. Oui, moi, j'ai déjà fait dans un studio de radio pendant que je parlais. C'était très pratique. Ah, c'est pas mal ça. Bon, à l'époque je faisais de la musique. Enfin, de la musique. Je faisais des tranches de flux, comme on l'appelle ça. Donc je balançais de la musique. De la musique, il nous a sans ça, c'est genre il avait une guitare et tout. Non, mais j'animais une tranche musicale, quoi. Ah. J'annonçais les titres, etc. Donc je parlais 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 grand max. Mais du coup c'est rigolo pendant que t'es en train d'aller. Bah évidemment là t'es tout seul. Tu peux pas le faire dans une libre antenne, il y a 150 personnes autour de toi. Donc Si tu peux. Non mais d'accord. Toff, il se branlerait du bien. Ah quelle horreur. Quelle horreur. Oh l'angoisse. L'angoisse. Bon, il y a Alan. Non. Il y a Alan qui dit: Mickaël, si tu vois ce message, dis-toi que dimanche à la caserne de Bonne à Grenoble, je serai là et l'image que j'ai en profil sera sur ma tablette dans paysage. Ah, je vois pas l'image qu'il a en profil. C'est quoi? C'est Toff qui a pris le message là. Et moi comme image, Alan. Non, c'est pas moi. Non? Ah bon, je suis innocent. Bon bah écoute, j'ai trouvé mais j'ai pas l'image. Bon, ce sera pas grave. Bah merci Alan en tout cas. Donc je rappelle qu'on sera dimanche à Grenoble, on fait l'émission en direct de chez Mathieu. Et à 16h on se retrouve sur juste à côté de la caserne de Bonne et devant les jardins à côté du cinéma Méliès. Voilà, c'est Méliès. Méliès, voilà, c'est ça. Donc si vous voulez venir, on fera un petit jeu, il y a une GoPro à gagner et tout, on va se marrer. Il y a donc aussi Marine qui dit: je l'ai déjà fait dans la voiture, sur un parking, sur la voiture, dans un chemin de campagne, dans une salle des fêtes et dans les toilettes publiques. Ok, d'accord. Jonathan aussi, un gros bisou à toute l'équipe. Je vous écoute tous les soirs, vous êtes les meilleurs. Un petit message de bienvenue, ce serait terrible. Bien sûr, Jonathan, là, il suffit de demander, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je vais mettre comme message de bienvenue? Tiens, ah oui, pas mal celui-là. Voilà, je t'en mets un petit deuxième. Je vais mettre du Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein. Voilà, et on va faire la réponse à la colle avec Thomas maintenant avant de se faire le canular avec Mathieu. Thomas, est-ce que tu es là? Oui. Très bien, on va donner la réponse maintenant. Peut-être que tu vas repartir avec la tablette, l'iPad mini. Tu as donc posé une colle tout à l'heure et il fallait répondre, hein, soit via le Facebook de l'émission, soit via les SMS. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante. Allez, c'est parti. Thomas, ne bouge pas. Si la personne qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, elle gagne et tu perds. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagnes. Allez, on y va. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? C'est Malène. Malène. Mélanie. Ah, Mélanie, non, d'accord, Mélanie. Ok. Bon, Mélanie, j'ai pas compris. Oui. Mélanie, Malène. C'est Mickaël, tu es sur Fun Radio, je t'appelle parce qu'il y a notre ami Thomas ici, qui fait partie de l'armée des Doux, qui a une colle à te poser. Vas-y, Thomas. Or, dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? J'aime bien savoir. Répète-le encore une fois pour le sport, Thomas. J'aime bien. Thomas, répète-le encore un coup. Dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? Tu peux répéter encore parce qu'on l'a mal entendu. Elle fait pas chier, toi. Vas-y, Thomas, vas-y, répète. C'est Polo, c'est un connard, Thomas, laisse tomber. Ah, mais un gros, même. Elle n'oublie pas que c'est ton général. Ouais, mais Toff, c'est un enculé. Oui, ça, c'est vrai, en revanche. Non, c'est vrai, non, il a raison. Ah, il est moins doux. Ah, oui, bon, non. Alors, Mélanie, est-ce que t'as la bonne réponse? C'est dans le dictionnaire. Oui, c'est ça. Oh là là. Bon, ben, bravo, Mélanie. Et Thomas. Thomas, oui. Je crois qu'il en reste un casque, non? Je vais vérifier. Bon, bah on va se démerder. Mmh. Thomas, on va quand même te filer le casque parce que t'es doux. Ouais, parce que t'es doux. Répète la colle pour gagner le casque. Dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? Bon, ben voilà, on va te filer le casque quand même. Et puis, Mélanie, tu repars avec l'iPad mini puisque t'as trouvé, donc bravo à toi. Et puis, et à bientôt, Mélanie. Salut. Salut. Ciao. Bon, et ben Thomas, le casque DJ, c'est bien ça? Ah bah ouais, merci. Ah bah je t'en prie, écoute, ou tu préfères une photo de Toff? Oh non, je préfère le casque. Ah d'accord, ok. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais la photo de Toff? Comment? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais la photo de Toff? Je la brûlerais. Oh, c'est sympa aussi ça. Eh, répète la colle pour voir. Ah, putain. Vas-y, Thomas. Dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron? Le chien. Bon, bah très bien. Bon, Thomas, le casque DJ, on va te le filer. Tu reviens quand tu veux, Thomas. T'as prévenu tes potes que tu passes à l'antenne? Et ouais. Ah, il y en a combien qui écoutent là? Je sais pas, j'ai mis statut sur Facebook. Bon, très bien. Hey, Thomas, t'es tellement petit. Est-ce que tu vis dans une noix? Ah non. Non. Ah, d'accord. On aura un battle de noix tout à l'heure. Hein. J'en dis pas plus, mais vous allez voir, je tombais sur un truc là. Et bon. Je peux passer une dédicace? Bon, bah alors, vas-y. Non, mais j'ai des grosses couilles pour t'emmerder, moi, boîte dans ta gueule quand tu veux. Oh, un peu de calme. Bon, allez, vas-y. Alors, je suis une dédicace à Paul et Thomas. D'accord, bah, le message est passé, y'a pas de problème. Salut Thomas! Salut. Allez, à bientôt et bon week-end à toi. Salut. Ouais, merci, toi aussi. Eh ben, je t'en prie, merci Thomas. Bon, ben voilà une bonne chose de faite également. On va parler des lieux encore où vous avez fait l'amour. On va faire ça dans quelques minutes. Kevin, Johan et Marc, vous êtes là tous les gars là? Oui. Ouais. Très bien, bah ne bougez pas de là, on va parler avec vous dans quelques minutes. Et puis peut-être qu'on aura également notre ami Jean-François. Je ne sais pas, ce sera peut-être une surprise, allez savoir. Bon, on s'écoute maintenant le son de Rebelle avec Sydney House, Black Pearl. Il est 00:50 sur Fun Radio, on est au cœur de la nuit sans pub. Soyez les bienvenus si vous arrivez, déjà si vous écoutez par hasard là ce soir hein, pour la première fois. Eh ben soyez les bienvenus, c'est Mickaël No Limit, on est là tous les soirs de 23h à 2h. Et le dimanche de 20h à minuit, sachez que si vous êtes là, c'est le destin qui vous a déposé sur cette radio. Et vous allez certainement y rester. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Voilà, et puis un message de Johan qui dit sérieusement, on peut pas vous remplacer, il y a vraiment pas plus fou que vous. Oh, bah c'est gentil, Johan. Mathis qui dit aussi, tu peux me dire comment on écrit le son qui passe? Oui, c'est Rebelle, comme un rebelle, R-E-B-E-L, avec Sydney House, et le titre c'est Black Pearl. Voilà. Neymar aussi qui dit, je viens de rentrer de mon hôtel à Barcelone, car un peu fatigué ce soir, je vous écoute. Très bien, Neymar. Et Mister Pépère aussi, moi j'ai fait l'amour dans une salle de ciné, ça a commencé, elle m'a sucé, je l'ai baisé, et puis après on s'est jamais revu après. Oh, mais c'est bien aussi ça quand même. Ouais, c'est sympa, bon programme, moi j'aime bien. Ah ouais, et Christophe qui dit aussi, mon toc c'est de compter constamment les escaliers quand je monte ou je descends, alors que je sais combien il y en a, attends, c'est quoi? Il ne rajoute jamais de marche. Ah oui, bah c'est ça. Ouais, pas la peine de les compter. Il n'y a pas un mec en pleine nuit, il va rajouter une marche juste pour te faire chier, tu vois, par exemple. Effectivement. Et j'ai un conseil pour lui. En fait, il faut qu'il apprenne à ne plus regarder les marches pendant un moment. Et en fait, ouais, ça va prendre une habitude. En fait, il faut qu'il se débarrasse de l'idée de compter.

C'était une idée de Mathieu, hein, tout ça ouais. pour gagner un cadeau. Il a dit ouais, on va faire chier mon oncle, on arrête pas de se faire des blagues, voilà. Et je veux avoir le plus haut level. Le quoi? Le plus haut level en termes de blagues. Donc ça veut dire que la prochaine étape, il va falloir trouver une idée encore plus forte pour le pour la vengeance. T'avais deux minutes parce que je t'ai envoyé toute la cavalerie de grâce. On quoi savait, ouais. Tu vois, Mathieu, j'avais dit que c'était tendu, là. Mais ils étaient si bien que ça, mes bruitages? Franchement, ouais. Ah putain, bon ça. Enfin, désolé quand même. Hein. Chapeau, chapeau. Mais, désolé, tonton, je suis vraiment désolé. Ouais, t'es vraiment un sale con. Et tu sais quoi? Et on va donner le cadeau à tonton. Exactement, on va filer le cadeau à tonton, du coup. Ce qui paraît honnête, hein, ça me paraît quand même le plus honnête dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut te filer? J'ai un iPad mini, tonton. Ce que tu veux. Bon, si ouais, si tu veux pas, je le file à Mathieu. Ah non, pas à Mathieu alors. Je le file pas à Mathieu? Ah non. Ah bah voilà, très bien. Bon bah tonton, on va t'envoyer un iPad mini. Ok. Ah bah très super. Bien. Ben voilà, bon, avec plaisir. Tonton, hein. Bon. J'ai été trop bon. Ouais, toi, t'étais trop con surtout. Et c'est surtout ça qui s'est passé. Ouais. Bon, Christian et Mathieu, passez une bonne soirée quand même. Merci pour tout. Ben, merci. Hein. Avec plaisir. Et vive les pompiers. Ouais. Voilà. Merci, c'est cool. Salut à vous, ciao. Ciao. On aurait pu avoir les pompiers et tout qui allaient débarquer, ça aurait été la folie quand même. T'imagines un peu le truc de ouf quand même. Il y a Snorky55 qui dit même à la troisième fois c'est pas normal, c'est lui qui est mort, ça me fait toujours délirer. Je me tape une barre, il y a Jojo qui dit pété de rire, trop bon le canular de la bombe. Chris Andro aussi, ils m'ont tué, je suis plié, par contre le pauvre oncle. Ah ouais, lui il a eu un coup de flip à mon avis. Mais j'ai eu peur, n'empêche, à un moment je me dis t'imagines oui. Le mec il a fait un arrêt cardiaque, j'en sais rien moi. Mais oui. Ça serait chaud quand même. Mais grave, tout ça pour un canular, oh là là, laisse tomber. Julien aussi, en mode grosse stress. Là, il y a Mathis qui ils ont fait péter les deux, mort de rire. DJ Roms qui dit était tellement bon le canular là. Et Mick 10 350, c'est 25 heures chrono avec Michel Bauer. Ah l'horreur, t'imagines la mauvaise série. Nessie, je me lasserai jamais de réécouter ce canular, il est magique. Et alors Tom il dit hey, oh putain, quel fil, putain, quel fil, j'en peux plus Mickaël. Et Hugo Rio qui dit même si elle rediff, c'est trop bien le canular. Et le prince Nadia qui dit excellent le canular, un peu stressant, mais bon. Ouais, il était un peu stressant, mais dans l'absolu, ça s'est bien passé quoi. C'est la table de ma mère, la Céliac. C'est vrai que je sais pas si j'ai sorti ça, le mec préfère risquer sa vie que de casser la table de sa mère. Bah c'est normal après. Tu vois, moi par exemple, ouais. Je préfère risquer ma vie que de casser la table de ma mère. Oui, c'est vrai. Je sais qu'à la fin, de toute façon, je vais mourir, donc... C'est vrai. Master Foxy, mort de rire, et Pearl également, qui dit coucou depuis longtemps. Je voudrais un message de bienvenue, un bien dégueulasse. Oui, alors, si c'est juste pour te rendre service, c'est totalement faisable. Alors, un bien dégueulasse, j'en ai un qui est sympathique, là. Un sale. Sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère, je les arrose. Voilà. Alors, en termes de dégueulasserie, je pense qu'on est pas mal. Retour avec Jean-François. Jean-François, on t'a trouvé des filles. Oui. Ah, t'en veux une ou deux? Ah, j'en veux au moins deux. Ah, au moins deux, ah oui, carrément. Quel gourmand ce bon, genre. Ah, on fait... C'est très gourmand. Mais on a bien vu. On fait ça dans quelques minutes, JF, d'accord? D'accord. Bon, allez, bouge pas de là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, il est 1h12 sur Fun Radio, on est toujours au cœur de la nuit sans pub. Je rappelle qu'on sera, on fera l'émission en direct de Grenoble dimanche soir à 20h chez Mathieu, un auditeur, et que demain on sera à midi et demi en bas des pistes de ski à Ourcières-Merlette devant la l'office du tourisme. L'office du tourisme, évidemment, on compte sur vous. Sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère, je les arrose. Tu es un enculé. Je te dis merde. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, sur Fun Radio 1h16, il y a Hugo Réo qui dit sur le Twitter, ma mère m'avait pris mon portable, mais je suis là, je vous suivrai à vie, je vis, je mange, je respire pour la team Mickaël nos limites. Oh merci Hugo Réo. C'est beau, c'est beau. Jason qui dit la couille qui colle sur les cuisses de Toff tout à l'heure, il est dingue ce mec. Lola qui dit Burke, c'est dégueulasse les épinards. Ouais non, si ça va. Franchement, pour le coup, il y avait des haricots aussi qui étaient pour le coup vraiment dégueulasse alors que j'adore ça d'habitude. Pierre-Anne, alors je sais pas si son prénom c'est Pierre ou si c'est Anne, mais enfin bon. Il y en a qui ont déjà porté plainte avec les appels de Toff. Non, beaucoup en parlent mais personne n'agit. Ouais, hein. Beaucoup m'ont promis, mais Promis et merveilles, la prison à vie, décapité, la chaise électrique, et il est toujours là ce connard. Rien. Voilà. Et Extra aussi qui dit par rapport à d'autres radios, Mickaël, vous êtes super, vous faites des journées de ouf. sans vous coucher, tout ça pour vos fans, continuez comme ça, de rien extra, j'espère que vous allez venir aussi surtout. Hein. Donc demain, on est là, 12h30, on se retrouve donc sur devant l'office du tourisme à Orcières 1850, Orcières Merlette, c'est une station de ski dans les Hautes-Alpes. Mais je suis pas sûr. Ouais, le front de neige, oui, mais enfin c'est en bas des pistes, c'est devant l'office du tourisme. C'est ça, c'est juste devant le à côté du Télémix. Exactement, voilà, donc si vous êtes sur place, si vous êtes à Orcières, on arrive à 12h30, je compte sur vous pour débarquer. Et puis pour ceux qui sont dans le coin ou qui veulent prendre leur journée pour venir nous voir, c'est avec plaisir, venez avec votre matos si vous voulez faire un petit peu de ski avec nous, du ski ou du snow bien entendu. On est là vendredi, donc demain 12h30, et on sera là également samedi. Voilà, et samedi on fera un petit défi également avec les auditeurs. Donc je compte sur vous, on a besoin de 10 auditeurs. Voilà. Bon, s'il y en a plus, il y en a plus, hein. Mais 10 ça suffira déjà pas mal. Donc demain 12h30, et puis samedi on fera le défi en fin de journée quand les pistes seront fermées, donc à mon avis vers 16h30, 17h. Comme ça, vous savez tout. On va également récupérer Jean-François. Oui, Mickaël. On a des filles qui arrivent pour toi dans 5 minutes, Jean-François. Ah, mais j'attends que ça. Eh ben, j'imagine. Alors, ne bouge pas de là. En attendant, on va parler des lieux où on fait l'amour en public. Il y avait Marc, puisqu'on en parlait en début d'émission. Je rappelle qu'on risque 15 000 euros d'amende et un an de prison quand on baise dans un lieu public. C'est chaud quand même. Plutôt, ouais. Et donc, il y a Marc qui est avec nous du Puy-en-Velay dans le 43. Ça va, Marc ? Salut Mickaël, ça va et toi ? T'es en forme ? Oui, très bien, ouais, tranquille. Bon, alors, Marc, où est-ce que t'as déjà fait, toi ? C'était dans les toilettes d'une gare. Oh, mais pourquoi dans un lieu aussi dégueulasse ? Je pense que c'est l'endroit le plus glauque où tu peux faire ça. Non, je vais voir pire quand même. Bah, je sais pas, franchement, ça devient quand même difficile. Hein. C'est-à-dire que même les toilettes de salle de concert, je pense que c'est moins glauque. J'ai pas essayé encore. Oh, ouais, parce que là, les chiottes d'une gare, c'est quand même dégueulasse. Et c'est ta meuf qui a voulu ça ou c'est toi qui a tenté ? C'est un peu moi qui ai tenté. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, pourquoi dans les chiottes alors du coup ? Bah, c'est le seul endroit où on pouvait faire le plus rapidement possible. Ah, oui. Bah, donc, rapidement, après, il y a plein d'endroits, cela dit. Attends, on va demander. En plus, dans les gares, t'as souvent une meuf qui surveille, qui nettoie. Madame Pipi. Bah non, personne. Ah bah t'as de la chance. Bon, attends, il y a Johan également qui est avec nous, là. Johan de Nancy. Salut Johan. Salut Mickaël. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, très bien Johan. Bon, alors toi t'as 17 ans, t'appelles de Nancy. C'est où les lieux où t'as déjà fait toi ? Dans un camping dans les douches. Dans un camping ? Ah ouais, putain, là aussi en termes de dégueulasserie, c'est quand même pas mal. Hein. Tu tiens quelque chose là. Eh oui. Ouais, et surtout, c'est que n'importe qui peut arriver quoi. Ah oui, en plus dans les chiottes, c'est ouvert. Dans les douches, c'est ouvert. Bah non, c'est fermé. Ah, t'as peut-être un petit loquet quand même. Ouais, t'as une porte quand même. Ouais, t'as quand même une porte. Ouais, donc ça va. T'as quand même un minimum d'intimité. Bon, et ta meuf a kiffé ? C'est elle qui avait demandé ou c'est toi ? Non, c'est elle qui a demandé. D'accord. Bon, attends, on va demander à Flo également qui est avec nous là, du 69. Salut Florian, Belleville-sur-Saône. Bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir. Bon, bonsoir. Bonsoir Florian, comment ça va ? Ça va et vous ? Bon, très bien. Eh, hey, bravo, bonsoir. Lyonnais aussi, hein, 4-1, ils ont joué là ce soir contre je sais plus quelle équipe, mais bon, bref, c'était en Europa League. Donc 4-1, hein, mené 1-0 au tout début, puis 4-1 au final. C'est pas mal. De rire, en plus, ouais. Allez, l'OL ! T'es supporter, Florian, ou tu t'en fous, toi ? Non, moi, je suis pas le foot. Moi, tous les supporters de foot, ils ont l'accent marseillais, sauf les parisiens. Sauf les. Et Lille ? Ah, c'est. Allez, le LOSC ! Bon, allez, Florian, donc toi, t'as fait ça où, toi ? Dis-moi, dans les lieux publics. Au milieu d'un stade. D'un stade de foot. Oh, ça doit être trop bon, foot, ça. Justement. Au milieu d'un stade de foot, mais vide, évidemment. Comment ? Vide. Ouais, non, il y avait 60 000 personnes autour. C'était au stade de France. Ils se sont tous branlés, ils ont mangé que les dessus. C'était le plus grand gangbang du monde. Quelle horreur. Vide, il faisait nuit, on était tous les deux au milieu du stade. Mais comment vous êtes rentrés ? Parce que normalement, c'est fermé, non ? Ça devait être super impressionnant. Ah non, mais c'était un stade public, comme genre les City, mais c'était un grand stade. Ah, d'accord, c'est pas genre le stade de l'OL, quoi. Non, pas vite, non. D'accord, t'imagines, t'es à Gerland, t'es là, machin, quand même bien. Hein. Mais franchement, ça doit être trop excitant. Et puis avec les projecteurs, tac, tac, tac, mais tac, tout ça où, tout ça. C'est comme les mecs qui s'occupent des genre de piscines et tout, tu sais, qui ont cadavres. Non, mais non, qui ont la clé, qui peuvent aller avec une meuf, tu vois, n'importe quand au milieu en de la nuit dans une piscine publique. Pourquoi tu couches pas avec une meuf dans un lit ? C'est pas plus simple ? Bah si, c'est plus simple, mais bon. C'est chiant au bout d'un moment, un peu de fantaisie, merde. Oui, mais bon, d'accord, mais bon, il y a un moment, c'est bien aussi de le faire parfois dans un lit. C'est vrai, mais je suis en train de me rendre compte, ça fait super longtemps que j'ai plus baisé dans un lit. Ouais, mais que t'as plus baisé tout court ? Aussi, mais... En combien de temps ? Genre au Havre, t'as pas mis une cartouche ? Ah si, au Havre. Ouais, bon, si. Ça fait longtemps, ça fait une semaine. Bah ça va une semaine, c'est loin. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bon, attends, il y a Aymeric aussi qui est avec nous là. Mais salut Aymeric. Salut Mickaël. Comment ça va? Bien et toi? Bon, c'était où alors? C'était pas dans le lit ou hein? Moi aussi j'étais. C'était pas dans le lit parce qu'en fait moi j'ai. Ouais, c'est sous la douche. Parce que ouais, parce que moi j'étais dans la chambre la plus pourrave forcément et donc j'avais pas un grand lit donc c'était deux petits lits donc. Bah, j'avais aussi deux petits lits. Bah on avait tous deux petits lits toi. Bah oui. Bah oui, on avait tous deux petits lits. Bah ouais, mais c'est chiant pour baiser une meuf. Bah Mais il te faut quoi? Tu voulais quoi? Un lit superposé? Bah non, mais un grand lit quoi. Ils étaient collés l'un à l'autre, c'est collés. Ça faisait grand qui est relou lui. Ouais non, sur... Ah là là. Oh là. Bon, Aymeric, t'appelles de Saint-Georges de Pointe-à-Doux, ça doit être pratique quand on t'envoie du courrier. C'est facile à trouver. Ah mais... oui, enfin, je suis pas sûr, mais c'est surtout pour écrire que c'est relou quand même. Mais bon. Quand tu remplis des genre des trucs pour prendre des abonnements et tout, il y a assez de place pour mettre tout le... Jamais. Ouais. T'es ouais quelle ville, ville ou village, t'es rentré dans les cases? En général, t'as quoi? T'as 20 cases, grand max. Et encore, ouais. Et encore, faut voir. Bon, alors Aymeric, tu l'as fait où toi? C'est quoi le lieu public où tu l'as fait? Et je rappelle donc que tu risques 15 000 euros d'amende et un an de prison si tu te fais gauler en train de niquer dans un lieu public. À l'internat. Ah oui, non, ça va, je pense que c'est... Et dans une station de ski en pleine nuit. De quoi? Dans une station de ski en pleine nuit. Ah, ça j'aimerais bien faire. Ouais. Ça, sympa aussi, la station de ski en pleine nuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'était quelle station? Barcier. Saint-Jean-de-Luz. C'est où? À Luce Sauvet. Attendez, parce que là vous parlez tous les deux en même temps, l'autre qui chante là en même temps. C'était où Aymeric? À Luce Sauvet. D'accord, ok, très bien. Et tu t'es pas fait gauler? Non. Non, d'accord, ok. C'était kiffant ou pas? Ah ouais, trop. Oh, d'accord. Tu voulais me dire un truc, Mika? Aymeric? Oui. Mika, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr. Un bien violent. Un bien violent? Ouais. Alors attends. Je sais plus si celui-là est violent, on va le mettre en essai. Et moi je te demande si la chatte à ta mère, on peut rentrer un quart dedans? Il est pas mal. Non mais je l'aime bien celui-là. Il est pas mal. Oh là là. Hein, il est pas mal. Nickel. Sinon j'ai celui-là aussi. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Ouais, celui-là il était sympathique aussi, effectivement. Ouais. Bon ben, merci Flo, merci Aymeric d'être passé. Hein. Merci Johan. Ouais, alors vas-y Johan, à une seule personne, choisis la bonne. À Solène. Très bien, tu veux lui casser les pattes arrière? Non. C'est pas son style. Mais s'il écarte les jambes, je dis c'est pas ça. Non. Merci Toff. Je vous en prie. Bon, il n'y a pas de problème pour le pack pack fun Aymeric, tu vas retourner chez Sandro Standard. D'accord, merci. Salut Aymeric, salut Flo, salut Marc, salut Johan. Je peux passer une petite dédicace? Ouais, alors vas-y aussi Marc, une seule personne, choisis la bonne. Petite dédie au Turc Tenjai. D'accord, eh ben, message passé également Marc. Salut à toi, à bientôt. Ciao, merci. Allez, ciao. Bon, Jean-François, le retour dans quelques minutes là avec des meufs qu'on lui a trouvées. Ça, c'est la bonne nouvelle. On fera les appels aussi dans quelques minutes. Et puis, j'avais prévu ça pour Toff, son histoire. On avait parlé des noix tout à l'heure là. Oui. Eh bien, nous allons les casser dans quelques minutes. Ah, voilà. C'est un petit record. Vous savez qu'on aime les records inutiles dans l'émission. Et donc, j'en ai un bon qu'on va pouvoir tester justement avec Toff. C'est un Pakistanais qui vient de battre le record de noix, de casser de noix plutôt en une minute. Ah, bien évidemment. Bah quel bon record. Bien évidemment, il ne les casse pas avec un casse-noix comme tout le monde. Il les casse avec sa tête en une minute. Chouette. En une minute, il arrive à en éclater 155. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Tu penses battre le record? Non. Bon, si tu pars négatif si, déjà. C'est-à-dire que déjà, je vais déjà essayer d'en péter une et ça sera pas mal. Mais bien sûr, s'il arrive à en faire 155, t'arriveras bien à en faire au moins 50. Deux. Non, arrête. Bon, allez, trois. Mais non, arrête. Bon, Jean-François et Johan, dans un instant, on va les reprendre. Vous êtes avec nous, tant mieux. Il y a des messages, il y a Colline sur le Facebook. Il est mort de rire, je me suis cogné contre le mur tellement je rigole. Il y a Mister Pépère aussi. Moi, mon toc, je prends mon pouls toutes les 10 minutes. C'est psycho, on peut rien faire, c'est chelou. Ouais, mais t'inquiète pas, tu dois pas prendre ton pouls parce que si t'avais plus de pouls, tu n'aurais pas l'occasion de vérifier si ça battait encore. J'y vais tous les 3 mois car j'ai un appareil dentaire. Ah oui, c'était par rapport au dentiste en début d'émission. Et Misaki qui dit, j'ai réussi à rendre mon petit frère accro à Mickaël de limite, il mérite un message de bienvenue. Et comment qu'il mérite un message de bienvenue? Français de merde avec ton accent pourri là. Voilà, c'était un Corse. Hein. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà, en toute simplicité et avec la joie, bien entendu. On s'écoute maintenant le son de Shinseka du berceau au linceul sur Fun Radio. Il est 1h27, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Profitez-en, on est en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. C'est Mickaël de limite. 23h, 2h et 20h minuit, c'est tous les dimanches soirs sur Fun Radio. Bonne nuit. Du berceau au linceul, je me bats dans ma life. De Shinsekai à l'instant, du berceau au linceul sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. numéro 1, 4248 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a Fraise 34 sur le Twitter qui dit le top que j'ai, c'est de faire trembler ma jambe. Ah, ah ouais, c'est pas mal aussi ça. Ah oui, c'est avec le. Oui, c'est vrai que ça peut m'arriver aussi. C'est pas un toc, mais ça m'arrive de temps en temps. Là, à l'instant, par exemple, Benji Spears qui dit ma dernière visite chez le dentiste remonte il y a au moins 10 ans. Et ma visite, dernière visite au dentiste. On dit chez le dentiste. Oui. Voilà. C'est ce qu'on dit. On dit au pute et non je sais plus c'était quoi sa phrase parce qu'on avait un ami qui avait un moyen mémotechnique mais je l'ai oublié. Voilà, on dit non, je sais plus, j'ai oublié, c'est ah, on... au pute et, chez le coiffeur. Ah oui, au pute et chez le coiffeur. Voilà. Il y a Megumi qui dit moi je dois prendre rendez-vous chez mon dentiste, j'ai peur, alors s'il te plaît, stop d'en parler. Bon, mais t'as, il faut pas avoir peur, t'inquiète, il y a aucun problème. Bon, on va récupérer notre ami Jean-François dans quelques minutes et avant de faire le défi avec les noisettes, les noix là pardon, on va faire les derniers appels pour la journée là, derniers allons-y. Appels pour voir où est-ce que vous faites la... où est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans les lieux publics. Je rappelle que vous risquez 15 000 euros d'amende et un an de prison. Quand même hein. Si jamais vous le faites. Donc, grâce au numéro que vous avez envoyé toute la soirée sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, eh bien on peut continuer dans la lignée. On était tombé sur une psy tout à l'heure hein, qui nous a bien pris la tête. Oui, grave. Ah ouais, et on va enchaîner, j'espère qu'on aura pas un autre psy. Voir la police, je ne sais pas. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour en public, monsieur. Monsieur, est-ce que ça vous regarde ? Bah oui, puisque je vous appelle et je vous allez, pose la question. Mais non, monsieur. Allez vous faire foutre. Non monsieur, c'est pas de ça. Ah monsieur, enfin pas de ça entre nous. Monsieur, c'est pas une heure à téléphoner. Mais monsieur, enfin c'est... on parle pas monsieur, comme ça. Monsieur, c'est pas une heure à téléphoner. Merci, bonne soirée, au revoir. Monsieur, on parle pas comme ça aux gens. Bah je vous emmerde. Bah enfin monsieur, ça se fait pas. Monsieur, je vous emmerde. Oh non monsieur, je peux pas vous laisser monsieur, dire je ça. Vous emmerde. Moi je vous appelle, je vous pose une question, vous pouvez pas me répondre comme ça. Ah bah si, là pour le coup il va nous voir accrocher, on va le rappeler. Hop. Allez, c'est parti. En même temps, on a l'habitude de se faire accrochonner, surtout toi. Commissariat de Roubaix, bonsoir. Oui monsieur, ça se fait pas de parler comme ça aux gens. Moi je vous emmerde monsieur, vous êtes le commissariat de police de Roubaix. Non monsieur, un policier ne parlerait pas comme ça, ne serait pas aussi mal élevé que vous monsieur. Oh, il raccrocherait pas au nez surtout là hein. Bah oui, quel bon. Mal élevé le, on rappelle le commissariat donc, hein, apparemment on est là. Commissariat de Roubaix, bonsoir. Allez. Oui, monsieur, c'est pas la peine de vous énerver, de faire le mal poli, monsieur. Vous pouvez juste monsieur, répondre. Vous êtes au commissariat de Roubaix. Oui, mais je n'en doute pas, monsieur. Et donc, est-ce que vous avez déjà fait l'amour en public au commissariat de Roubaix ? Ah, monsieur, je vous ai répondu, vous êtes au commissariat de Roubaix. Oui, oui, je sais bien. Donc, à vous poser, bah, si vous voulez, vous passez demain au commissariat à partir de 8h. D'accord. Mais on répondra aux questions. D'accord, mais vous voulez pas juste me répondre comme ça, on gagnera du temps comme ça. Non, on... parce que je vous ai répondu. Oui, oui. Vous passez demain matin à 8h au commissariat de police. Oui, oui, d'accord. Et là, vous en parlerez à l'inspecteur qui va vous recevoir. D'accord, d'accord. Et vous alors, monsieur, vous l'avez déjà fait ou pas ? C'est une question à vous poser maintenant, monsieur. Bah oui, c'est une question que je pose maintenant, monsieur. Ouais, et donc, vous le faites en public ? Bah ça m'est arrivé 2-3 fois, oui, pas vous. Vous avez jamais fait dans un parc ou... Moi j'ai une maison, moi je fais ça chez moi. Ah oui, vous faites ça chez vous alors. Alors bah, je vous souhaite une bonne soirée, vous passez demain matin au commissariat donc. Oui, bah je me doute, et je demande qui au commissariat. Oh merde, et, le commissaire il avait picolé un peu là non? Oui un peu ouais. On dirait, je pense qu'on n'était pas vraiment au commissariat non plus. Il avait pas l'air très frais monsieur le commissaire là apparemment. Hein. Il avait pas vraiment l'air frais non. Bon avant de faire le défi des noirs, sur un petit point top tweetos, on n'a pas encore fait un ce soir là pour voir un peu comment ça se passe. Oui mais non. Comment ça non? Pourquoi encore? Bah parce qu'il y a un problème. Quoi, c'est en panne? Il y a un problème, ça charge pas. Ah oui, ça change pas des masses, oui, effectivement. Bon, alors on fera ça dans quelques minutes, alors c'est pas grave, on va relancer le truc. Et puis je rappelle que donc on vous offre un sextoy offert par passagedudésir.fr. Si vous êtes numéro 1, bien entendu, au top tweeto ce soir, le principe est simple, hein, vous balancez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Et si vous êtes number 1, eh bien vous repartirez tout simplement avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, bon, on va se casser les loups. On va se casser les noix, pardon. Allons-y. Allez, c'est parti, je rappelle que c'est un Pakistanais qui a réussi à battre un record de merde. Autant dire les choses, hein, puisqu'il a réussi à éclater 155 noix en une minute avec sa tête. Oui. Donc, alors c'est quoi en fait? C'est la tête qui doit taper la noix qui elle-même est sur une table, ou c'est toi qui dois prendre la noix et la taper sur ta tête? Non, c'est... Ou peu importe. Je tape ma tête sur la noix. Ah d'accord, ok, très oui, bien. Oui. Bon, oui. Alors ok. Alors allons-y. Bon, alors on y va. Si vous avez des idées, si vous pensez savoir combien Tov va réussir à casser de noix avec sa tête, n'hésitez pas. Hashtag Mickaël ou alors par SMS, Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou alors au 63 22. Alors... Bon, ça compte ? Ouais, vas-y, on y va. Ah putain, c'est dur. Encore. C'est bon. Ouais, celle-là, elle est pétée. Ah. Ah, c'est trop dur. Oh, allez, vas-y. 2, non, 0. Ah, deux. Elle est bonne, celle-là. Ouais. Ouais. Ah. Putain, en fait, il y en a des hyper durs. Et il a dû les sélectionner, lui. Mais non, à mon cul, ouais, mon cul, mais n'importe quoi. T'en as combien, là? 3. Allez, vas-y, il reste 40 secondes. Dur, 40 secondes, il reste. Elle est trop dure, hop, hop. Allez, vite, vite, vite. Ouais, bah, une seconde. Bah, vite, t'es pas arrivé à 155, là. Allez, hop, celle-là, elle est pétée. Ouais, mais bon, elle est pas mangeable, là, il faut vraiment la casser. Non, si, elle est mangeable, là, elle est ouverte. Elle est ouverte. Bon, tu perds du temps, là. Ouais, bah, ça va, hein, on va mettre pas ton front. 20 secondes. Ah, oh, putain, elle m'a fait mal, celle-là. Ce qui est con, il y a la trace de la noix sur le front. Bon, allez, vas-y, il reste 10 secondes. Ah, celle-là, elle est pétée. Voilà, 5. Attention. 5. 4. 3, 2, 6, 1, ah, top. 6 seulement, quoi. La honte. Ça fait archi mal. Oh, ça fait archi mal. Oh, il a une trace rouge. On dirait qu'il a un suçon ou un coup de soleil sur le front. Oh là, ça fait hyper mal. Bon, allez, c'est dernière pour la route. Alors que là, on lui demanderait. Hein. Si, c'est Polo qui m'a demandé. Ah bon, d'accord, ok. C'est pas celle-là. Allez. Allez. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal. Ouais, vas-y, essaye d'en faire une, toi. Non, non, moi je peux pas, j'ai déjà mal. Après, il faut que je roule et tout. Moi je dois pas rouler. Bah, ouais, mais bon, tu roules avec une Dacia, c'est pas pareil. Bah, justement. Bah, voilà, c'est plus la tienne, c'est pas celle de Locke. Hein? Donc, c'est bon, c'est pas grave, si tu la casses, c'est donc, pas un problème. C'est pas la mienne. Oui, enfin bon, si, c'est la tienne, on se comprend, quoi. C'est un voiture de remplacement. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on va se faire le point. On fait le point au Twitos. Je sais pas si on peut. Bah, oui, mais bon, on est en train de bouffer des noix, là. Ça marche pas. Je sais pas, non, data not available. Oh putain, il fait chier ce site là. Bon, c'est pas grave, on a Jean-François qui est de retour. Jean-François, allô. Allô, oui, allô, Jean-François, comment ça va? Bien, bien. Tant mieux. En forme. Oui, j'imagine, comme la dernière fois quand on a eu Crystal et Vanessa. Vanessa et... Crystal. Voilà. Ah là là, ça t'a excité, ça. Hein. Ah, c'était agréable. Ah, t'étais chaud comme la braise. Ah, j'étais chaud là. Oh là là là, chaud, là. Tu veux pas me mettre de fil, hein? Si, si, bah justement, attends, on a Anaïs qui est avec nous là. Salut Anaïs. Anaïs. Tu peux me la passer? Eh ben elle est là. Bonsoir Anaïs. Et je t'interromps, mais on aura Crystal et Vanessa aussi qui vont arriver là, elles sont en standard aussi. T'en auras trois comme ça. Ah bah ouais, ouais, ah, oui. Tu penses bien. Bon, alors, mais je les laisse patienter exprès, alors vas-y Anaïs. Jean-François? Oui Anaïs. Oh ça, je suis tout émue à l'idée de t'entendre. Oh là là. Je suis contente. Moi aussi je suis contente. Je suis tout excitée aussi, j'en peux plus. Jean-François, oui. Tu es beau, Jean-François. Hein? Jean-François. Oui. Dis ton prénom. Répète ton prénom. Jean-François. Vas-y. Jean-François. Continue. Oh putain. Jean-François. Oh là là, continue. Je suis en train de te caresser. Je suis en train de me toucher les seins là. Oh là là. En plus, je fais du sang B. Je suis superbe. Comment t'es habillée là? J'ai une petite jupe rose avec un décolleté. Mais si tu veux, je peux l'enlever. Non, reste comme ça. D'accord. Vas-y, continue, Jean-François. Je suis sur mon lit, là. Oui, et qu'est-ce que tu fais, Jean-François? Eh ben, je me la touche. Jean-François? Oui. Tu peux me faire écouter? Fais-moi écouter. Attends, fais écouter. Oui, Jean-François. On arrive dans la dégueulasserie, là. Oh là là. Elle est chaude, oh. Elle est chaude. Magnifique, Jean-François. Oh là là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, allez, Crystal. Bah oui. J'ai entendu, allez. Oui. Je suis en train de jouir, Jean-François. Allô? Oui, allô? Allô, Jean-François? Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, Jean-François? Je croyais qu'on était en couple. Moi, j'avais mis en couple sur Facebook. Et tu me trompes avec la première salope qui passe à la radio. Et comment tu me parles? T'es qu'une salope, une traînée. Tu savais que j'étais en couple avec Jean-François. Non, mais t'as pas honte, Crystal? Tu veux que je te défonce? Ah oui, défonce-moi. C'est mon Jean-François. C'est le mien. Non, ça, c'est pas vrai. J'étais la première dessus. Non, mais Jean-François, il m'aime. La preuve, il s'est touché, regarde, il a fait du bruit ce soir. Non, j'étais la première. C'est pour moi. C'est moi qui veux. Je vais t'arracher les cheveux, Cristal. Eh ben moi, je vais t'arracher tes seins tout refait. Ça commence pas à me citer, Cristal, hein. Jean-François. Jean-François, Vanessa aussi, elle est très déçue. Jean-François. Je suis amoureux de... Jean-François, est-ce que tu peux t'occuper de moi pendant que les deux pauvres sont en train de se bagarrer? Ouais, bien, je m'occupe de toi. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, la Vanessa, là? Je m'occupe de toi. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Je me masturbe. Ah, oh, c'est génial, c'est tellement excitant. Ah oh, oui. Je me masturbe. Combien de centimètres elle fait? Pour rappel, elle fait 19 centimètres en érection. Oh là là, 19 centimètres. Ah, mais qu'est-ce que c'est gros? Ah oui. Elle est maillée, hein. Oh oui, continue, recris ton prénom, Jean-François. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore, plus vite, t'arrêtes pas. Caresse-toi, caresse. Oui, oui, ça touche, t'inquiète toutes. Pas. On se touche toutes, Jean-François. Alors toute très chaude. Vas-y, continue. Oh, oui, Jean-François, crie oui. Ton prénom plusieurs fois d'affilée. Oui, parce qu'on en veut toutes. Jean-François. Ah oui. Continue. Jean-François. Tu es presque ou pas, Jean-François? Hein? Est-ce que tu y es presque? Est-ce que tu es bien dur? Bien dur. Tu peux venir me voir, c'est moi. Oui, oui, mais d'abord par téléphone. Que je te prenne. Oui, on va continuer à créer ton prénom d'abord. Jean-François. Vas-y. Oh, plus fort. Plus fort. J'ai entendu. Il veut te prendre, Jean-François, il veut te prendre. Oh oui, j'ai envie qu'il m'écarte. Dit-il en bouffant ses noix. Prends-moi, Jean-François, prends-moi. Oh oui, prends-nous toutes, défonce-nous la chatte. Je veux la nouvelle série. C'est quoi déjà ton prénom? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il y a Anaïs. Anaïs, ouais. Moi, c'est Vanessa, il y a Cristal. Oui, c'est moi. Anaïs. Oui. Oui, Jean-François. Anaïs. Vas-y. Prends-moi, Jean-François, vas-y. Bon, t'arrives au bout ou pas? Vas-y, je te prends en levrette. Ah oui, prends-la en levrette. Pendant que je te masse les couilles. Oh oui. Ah oui, ça t'excite. Dit-il en bouffant ses noix. J'en ai plus, là. Donc... Allô? Qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Vas-y, plus vite, Jean-François, plus vite! Plus vite! Ah, ça a été joué. Fais-nous écouter. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon bah tout est dit, hein. Tout est dit. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Y'a Lola qui dit je pleure de rire, vous viendrez me poser des fleurs sur ma tombe parce que là c'est mort, je suis morte. Oh mais non. Allez, on écoute Nervo maintenant sur Fun. That keeps on fighting. 23h, 2h. Mickaël No Limit. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Yes, toujours en direct sur Fun, 1h47. Y'a Johan qui dit c'est quoi ce mec? J'ai dû arrêter le camion tellement je suis plié de rire. Cédric également qui dit on est au boulot, on kiffe Jean-François avec mon collègue et Hugo Rayo également qui envoie son message sur le Twitter. Y'a mon petit frère à côté, je suis en train de le faire jouer à la play avec le son à fond de la télé pour pas qu'il entende Jean-François. C'est bien Hugo Réo, tu prends soin de ton petit frère et ça c'est cool. Bon, ça va Jean-François? Impeccable. Tu t'es mis bien là? Impeccable. Tu sens ce côté heureux? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Si tu ne serais pas, faudrait t'inventer. Bah écoute, je te remercie. Tu sais qu'il y a plein de filles qui sont au standard, on peut pas. Bon là t'as déjà joué, donc on va pas toutes les prendre. On les gardera pour la prochaine fois. Oui, on va pas toutes les prendre. Bah non, pas tout d'un coup, évidemment. Bah Jean-François, tu rappelles quand tu veux, hein. D'accord. Bon, salut JF, bon week-end. Allez, je te souhaite un bon week-end. Bah merci beaucoup, salut Jean-François. Salut Mickaël. Ciao. Il y aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Ouais. Et puis on va se faire enfin un point top tweeto, ça remarche? Oui, ça remarche. Alors rassurez-vous, les messages ont bien été comptabilisés, oui, hein, c'est juste qu'on n'avait pas accès aux résultats. Voilà. Donc, on y va, numéro 5 actuellement. On donnera les résultats, le résultat final dans 12 minutes à 2h du mat. Numéro 5. Kevin. Numéro 4. Célia. Numéro 3, DJ Roms. Numéro 2, Drakit. Et enfin numéro 1, Elliot qui gagnerait donc son sextoy offert par passagedudésir.fr. S'il reste numéro 1 dans moins de 12 minutes, sauf s'il a déjà gagné, à ce moment-là ce sera numéro 2, 3, 4, etc. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'ait pas encore gagné, bien entendu. On a Johan avec nous maintenant. Bonsoir Johan. Salut Miguel. Salut Johan. Bon, désolé pour l'attente. Hein. Oui, par contre, c'est pas Johan, c'est Johan. Ah, c'est Johan, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, salut Johan. Alors, t'appelles de Toulouse, la ville rose. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Johan? Alors, voilà, donc, j'aime une fille depuis 5 ans. Ouais, depuis 5 ans, mais t'as 15 ans, depuis que t'as 10 ans? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, pourquoi pas? Ouais, donc voilà, et elle est même pas, en fait. Ah, il y a un moment, faut lâcher l'affaire après 5 ans. Hein. Mais elle t'aime pas, genre vous vous entendez bien, mais elle veut pas sortir avec toi, ou genre elle peut pas te voir? Ouais, on s'entend bien, mais elle veut pas. Ah ouais, bah il faut faire une raison, hein, Johan. Hein. Ouais, mais viens avec toi. Mais non, mais t'as pas le choix. C'est-à-dire que, regarde, toi tu prends ton côté où tu dis, ouais, moi je la kiffe et elle m'aime pas. Mets-toi de son côté. Et elle doit se dire, putain, qu'est-ce qu'il est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Imagine qu'il y a une meuf qui te court après et que c'est une meuf que t'aimes pas. Enfin, voilà, tu l'aimes bien, elle est cool et tout, mais t'as pas envie de sortir avec elle parce que t'es pas amoureux, machin, etc. Enfin, bah, amoureuse en l'occurrence. Il y a un moment, t'aimerais bien qu'il passe à autre chose, quoi. Qu'est-ce que tu lui as déjà dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-nous tout. Là, il y a quelques temps, je lui ai dit que je l'aimais. Et elle s'en foutait, quoi. En fait. Ouais. Bah oui, mais si elle s'en fout, elle s'en fout. Ouais. Et bah alors, il y a deux solutions. Soit tu lâches l'affaire, soit ce que tu peux faire, hein, comme cette grande phrase est souvent dite d'ailleurs par c'est surtout les filles qui l'utilisent. Hein. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Oui. Voilà. Donc c'est à dire qu'en fait, là, comme t'es derrière son cul, ça en fait ça l'emmerde. Et à partir du moment où tu vas plus lui donner de nouvelles, c'est une fille, hein, c'est normal, ça a marché comme ça, tu vas voir. À partir du moment où tu vas plus lui donner de nouvelles, elle va se dire, mais pourquoi tu donnes plus de nouvelles? Oui. Comment ça se où fait est-ce qu'il est? Et du coup, c'est elle qui va prendre des nouvelles pour savoir pourquoi tu ne donnes plus de nouvelles. Non mais sérieux, hein. Je sais que t'as pas l'air d'y croire comme ça, Johan, a priori, hein, première écoute. J'ai déjà essayé ça. T'as pu donner des nouvelles pendant combien de temps? 2 heures. Un mois. Un mois, ah oui, alors oui. Bon, alors je pense qu'il faut lâcher l'affaire, hein, Johan. Fais-toi une raison, quoi. Ouais, là, je pense qu'il faut te faire une raison, mec, hein, c'est bon. D'accord. Bah, écoute, c'est-à-dire que je vois pas très bien ce qu'on peut faire pour la faire changer d'avis. Ça va venir chez elle, il y a un moment ou un autre, il va peut-être y avoir un petit déclic, mais s'il est pas là, il faut faire avec, il faut respecter son choix. S'il a pas envie, il a pas envie. Ouais. Bah ouais, je suis désolé, hein, je sais que c'est pas la réponse que tu voulais entendre, mais malheureusement là, il n'y en a pas d'autre, hein, je crois. Hein. Ouais, t'es tombé sur une meuf comme ça vous étiez en kiff, mais rien. Ah bah oui, c'est oui, moi il y en a. C'est l'histoire de la vie de Polo. Bah oui, bien sûr. Moi il y en a eu quelques-unes, hein. Et bon, après j'ai lâché l'affaire. Mais oui, au bout d'un moment, de toute façon, tu vas être obligé de lâcher l'affaire. Ah, mais là ça fait 5 balais quand même qu'il est derrière. C'est parce qu'il a 15 ans. Oui, oui, c'est vrai, mais bon là ça fait 5 ans quand même. Hein. Il t'en rira dans 20 ans. Ah oui, mais même avant. Hein. Mais t'as jamais été amoureux que d'elle? Si. C'est-à-dire si, parce que par rapport à mes questions, le si, je vois pas ce qu'il veut dire. Non, mais si. Oui. Ah si. D'accord, donc tu n'es jamais tombé amoureux que d'elle. D'accord, mais écoute, t'inquiète pas, ouais, mais tu vas voir qu'à un moment tu vas tomber sur l'autre meuf et tu vas complètement zapper celle-là. D'accord. Tu vas voir, sincèrement, fais-moi confiance. Je sais encore une fois que c'est pas la réponse que tu voulais entendre, mais malheureusement il n'y a que celle-là. Mais tu nous remercieras. Mais bah oui, je pense. Regarde, il y a Andrea sur le Facebook, il dit lâche l'affaire mec, t'en trouveras d'autres. Mais je suis assez d'accord, hein, c'est vrai. Surtout que là ça fait 5 ans mec, on passe à autre chose. Il vaut mieux. D'accord Joël? Ouais. Bon, de quoi? On va te filer un pack fun avec des capotes dedans, comme ça tu pourras être prêt. Comme ça, dès que tu vas rencontrer une autre, tac, tu seras prêt. D'accord. Pas de problème. Bon, salut Johan. Salut. Allez, bon week-end à toi, à bientôt Johan. Bon, on va faire le top tutos dans quelques minutes, bien entendu. Je rappelle également qu'il y a Lola qui... ah oui, il y a Lola qui va envoyer son message. Là, il dit je pleure de rire, vous viendrez me poser... Ah oui, je l'avais déjà lu, les fleurs sur la tombe, là, parce qu'elle va mourir de rire. Jojo qui dit oh putain, elle commence à m'exciter, la Crystal, il est sérieux l'auditeur quand même. Le prince Nadia qui dit Crystal et Vanessa, venez vite car il va se terminer. Jason également qui dit qu'ils sont dingues. Lola qui dit je suis amoureuse de fun, ben, c'est plutôt pas mal. Et Kevin qui dit l'équipe de fou, vous nous faites rêver pour la dernière avant le week-end des Lynn qui dit je suis deg, vous n'êtes pas loin, je peux pas venir, j'ai la haine, putain de taf. Ah j'imagine que c'est par rapport à demain à Orcière. Ah, ah là là, dommage. Ah c'est con, eh bah oui pour le coup on est là effectivement. Bon donc demain on sera là vers 12h30, on sera sur le front de neige devant l'office du tourisme à Orcière 1850, c'était la station, hein, station de ski. Donc venez nous rejoindre si vous le pouvez, comme ça on va faire un petit peu de snow et de ski ensemble, ça va être cool, on va se marrer à mon avis. Et puis samedi, là on vous attend mais en fin de journée, au même endroit devant la station de ski justement, hein, devant la station de ski, devant l'office du tourisme, pour que vous puissiez faire un petit défi avec nous. On a besoin d'une dizaine d'auditeurs. Voilà, auditeurs ou auditrices, on n'est pas regardant. Voilà, on n'est pas regardant. Toff risque d'avoir mal, si très ça mal. Peut vous motiver à venir. très mal. À mon avis, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Donc voilà, on sera le week-end donc à Orcières. Orcières 1850, la station de ski. Donc vous passez nous voir. Vous n'allez pas me rater avec mon nouveau pantalon que j'ai acheté. Magnifique. Le voilà. Plus beau pantalon de la station. N'est-il pas? Il y a la photo d'ailleurs hier sur le Facebook. Vous pouvez aller voir si jamais vous la loupez. Trop beau. Ah bah, il est non, franchement, il est classe. Ouais, franchement. Ah bah, vachement classe, j'ai envie mais de oui. dire. Exactement. Est-ce et puis que quelqu'un dimanche, a dit contraire. Non, non, non. Mais... Et puis dimanche, on sera donc en direct de Grenoble. Donc à 16h, on sera au centre commercial. Comment il s'appelle la caserne de Bonne. La caserne de Bonne. On sera dans les jardins de la caserne de Bonne. Dans les jardins de la caserne de Bonne. C'est vers 16h qu'on sera là-bas pour distribuer les cadeaux. Alors, on a une GoPro à vous offrir. Et puis, on a d'autres cadeaux, bien entendu. On fera un petit jeu sur place. Donc, venez nombreux et nombreuses, bien entendu. En plus, il y aura du soleil, a priori, à Grenoble. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, à 20h, on fait l'émission en direct de chez Mathieu, en direct du salon de Mathieu. Et la grande nouvelle également, là aussi, vous allez pouvoir venir, puisque c'est Polo qui fait à bouffer. Et ça, oh, ça va être très le bon. Dîner presque parfait. Oui, la fois passée, il y a un mois, c'était un noyon, c'était Toff qui s'y était collé. Et là, ça va être Polo qui vous a prévu un petit menu déjà ou pas? Non, en fait, j'ai rien prévu. En fait, ça va être le dîner presque foiré. Je crois que ça va être la première fois que je cuisine. Ça va être beau, tiens. On va être bien. Bon, eh ben, très bien. Bon. Ah ouais, non, mais je vais faire ce que je peux. Préparer vos sacs à vomi, puis vos produits pour l'estomac. Bon, on va tout prévoir, alors, c'est parfait. Bon, on va se faire Polo contre le reste du monde. Ouais. Allez, bah c'est parti, prenons place juste après le Top Twittos. On aura également, bien entendu, le générique de fin, comme on le fait à chaque fois avec nos amis de Sauce Park. Allez, c'est parti, Polo against the rest of the world. Allez, on y va, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. On commence tout de suite avec le secouriste. Allô? Oui, allô? Oui, le secouriste. Oui, allô, oui, voilà, il paraît que vous venez. Attends deux secondes, Alexis. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Quel est le truc que tu devras jamais faire dans un orphelinat? Oh non, c'est une vanne, non, pas de vanne comme ça, change de vanne. Oh. Alexis, change de vanne. Ouais, bah attends, j'en cherche une autre. Hein. Voilà, à tout de suite. François, dans Polo contre le reste du monde. Bonsoir, Polo, je suis là pour te conseiller pour un menu gastronomique pour le Polo. Je m'en Polo, fous, en fait. Allô? C'est parfait. Je m'en fous. T'es sérieux, là? Ouais, je m'en branle. Sofiane. Allô? Bienvenue, Sofiane, qu'est-ce que tu veux? Bienvenue, c'est pour vous dire que moi, en fait, je vais aller vite fait, j'ai le même problème que Johan. Ouais. Il y a une meuf qui est dingue de moi, je suis harcelée pendant 3 mois, elle fait que m'envoyer des messages. Mais Sofiane, t'es pas en train de me raconter ta vie, là? Non. Ah bon, d'accord. Le secouriste, le retour dans Polo contre le reste du monde. Je t'écoute, secouriste. Oui, monsieur Polo. Ouais. Non, on m'a dit que vous veniez demain, alors je voulais faire juste un peu la checklist, hein, donc combien mesurez-vous? Ça te regarde pas? Ah bah oui, mais attendez. J'en ai rien à foutre. Ah bah oui, et votre groupe sanguin aussi, on ça, a besoin. Je sais pas, j'en ai pas. Ah, vous avez pas de sang? Non, j'ai pas de sang, non. Ah bon, d'accord. Bon bah, parce que du coup, comment on vous secourt là, si on a rien? Bah occupe-toi de tes affaires, tête de con. Ok? Attends deux secondes, Alexis, retour. Ouais, l'avion là, il est derrière chez moi. Hein. De quoi? C'est l'avion là qui est. Ah, c'est ça ta vanne? Ouais, non, mais non, j'ai pas de ma gueule de... ou quoi? Fais-en une autre, trouve quelque chose de propre là. Oh putain, Eh quoi, putain? Oh! C'est dur, hein. Bon, Françoise, le retour. Ne te casse pas la tête. Commande à Domino's Pizza, tu prends 3 canettes de Coca et le repas, il est fait. Est-ce que tu crois que j'ai besoin de toi pour ce genre de remarque? Franchement, je pense que oui. Ah ouais? Franchement, ouais. Oh là là là. Sofiane. Ouais. Je t'écoute. Ouais, c'est pour te... Oui, on t'écoute, Sofiane. Allô? Allô? Sofiane, une fois? Oui. Bon, vas-y, parle. Bah, c'est pour vous dire, c'est... Comment je peux faire pour qu'elle arrête de... Allez, casse-toi, tu m'as saoulé. Le prof de ski, le retour. Oui, monsieur Polo. Oui, bonsoir. J'ai appris que vous veniez Orcières dans notre belle station. Ah oui, mais tout le monde est au courant. Il y a des pages entières dans le Parisien. C'est vrai. Ah bah oui, bah tout le monde en parle. Vous avez des problèmes avec le planté de bateau. Je l'ai jamais planté, donc je risque pas d'avoir de problème. Quelles sont vos bases? Aucune. Ah, très bien. Écoutez, je vais tout vous apprendre. Ah, j'écoute. Bah parfait, alors il faut d'abord chausser le ski. D'accord, c'est fait. Voilà, prenez de celui de gauche, ensuite celui de droite. Ouais. Et là vous plantez le bâton, vous descendez la montagne. Ah d'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Ah mais j'espère. Bah écoutez, vous allez voir, si jamais vous avez des problèmes, vous m'appelez. Hein, d'accord, le prof de ski, le secouriste, le retour dans Polo contre le reste du monde. Oui, pour la civière, vous avez une préférence? Dans ta gueule. Ah bon? Ouais. Ah bon, d'accord, parce que enfin, c'est pour vous, hein. Ouais. Bah oui, moi, après, je m'en fous, hein. Mais je t'ai rien demandé, en fait, le secouriste. Pourquoi tu me prends la tête? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Non, mais moi, c'est au cas où, j'anticipe, hein. Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Non, mais t'inquiète pas pour moi, Alexis, le retour. Ah bah attends, j'ai toujours pas de blague. Attends, je réfléchis. Bah oui, bah tu vas mettre combien? Tu vas mettre 2 heures pour trouver une blague. Ah ouais, bah hey. Allô? Alexis? Ouais. Oh putain, t'es nul. Françoise? Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'emmener au marché, on va acheter des pommes, hein. D'accord. Et puis on fera un jus de pomme. D'accord. Bravo, Françoise. Et une tarte aux pommes. Allez, casse-toi. Le prof de ski? Oui, monsieur Polo. Oui, je vous écoute. Bon, écoutez, je pense que vous êtes prêts, hein. Le petit cours a bien servi, à mon avis. Bah, et bien, écoutez, rendez-vous demain matin à 10h pétante sur la piste. Pétante, je serai là. Pétante. Allez, au revoir, bien. Prof de ski. Allez, dégage. Qu'est-ce qu'ils sont cons, alors. Le secouriste? Oui, bah, écoutez, moi, je vous attendrai en bas. D'accord. Et le secouriste? Oui. T'as pas autre chose à faire dans la vie? Ah bah si, ma grande occupation, c'est de secourir les gens. Oui, mais t'as pas autre chose, t'as pas rêvé de faire autre chose? Avant, je voulais faire de la compétition, bon, je voulais être un grand sportif, je pensais faire du half-pipe. Et bah pourquoi t'as pas fait ça? Parce que j'étais mauvais. Lexi? Ouais. T'as ta blague? Non. Bon, tu t'en vas? Ou je te raccroche au nez? Je vais dormir. Allez, casse-toi. Françoise? Polo, mon rêve, c'est de cuisiner, Françoise. Oh là là là. T'aime, Polo. Bon, allez, cuisine. Bon, allez, on va t'en. Et on termine ce Polo contre le reste du monde avec le secouriste. Bon, ben on se dit à demain. Là, on prendra un vin chaud. Voilà. Je vais te le mettre dans ta gueule pour bien te brûler le crâne, espèce de con. Allez, casse-toi. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté. Et merci à ceux qui ne l'ont pas écouté aussi. Bien, surtout eux. C'est surtout eux. C'est le principal, c'est le principal, clairement. Bon, et ben voilà une petite qui s'achève là, une petite émission qui s'achève. On va faire le Top Twittos dans quelques minutes évidemment. Et puis 2h du mat, hein, c'est parti, Top Twittos maintenant. Allez. On va donc enfin savoir quel est le gagnant ou la gagnante, hein. Top Twittos donc avec le numéro 5 maintenant. Je rappelle qu'il faut être numéro 1 pour gagner, sauf si on l'a déjà gagné. À ce moment-là, on va voir le numéro 2, 3, 4 et ainsi de suite. Numéro 5, Kevin. Numéro 4, Célia. Numéro 3, DJ Roms. Numéro 2, Drakit. Et numéro 1, Elliot. Et bah Elliot qui est resté à cette place. Elliot a déjà gagné, me semble-t-il, non? Il me semble, mais on va vérifier. On va vérifier, très bien. Bon, si jamais il a déjà gagné, on verra le numéro 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas encore gagné, en toute simplicité. Voilà, comme ça vous savez tout. Merci en tout cas à vous d'avoir été là ce soir, évidemment. Et merci. Puis on va se faire, bien entendu, le générique de fin, comme d'habitude. Attention, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'offres te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne que cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Mais va voir ta mère, enfant de putain, oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre grand-mère est suce des nains. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es enculé, toi. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, merci Lilou, comme chaque soir au taquet, bien entendu. Bon, ben bah, merci d'avoir été nombreux. Merci également, comment s'appelait-il, notre grand comique du canular à minuit, là, j'ai oublié son prénom. Damien, oui. Damien, merci Damien. C'était magnifique. Ah, tu nous as fait notre soirée, hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, bon, on remettra un petit extrait dimanche soir, vous allez voir, ça va être la folie totale. Merci à tous les twittos qui étaient avec nous ce soir, les internautes également sur Facebook, et bien sûr aussi à tous les auditeurs qui ont été nombreux, encore une fois, écoutez, entre 23 et 2h, DJ Daminou était là normalement. Il y avait également C1 My God, il y avait Cédric qui était connecté aussi, il y avait Drakit, il y avait Audric, il y a Mick10350, bien sûr, Sophie, Le Prince, Nadia, comme chaque soir ou quasiment, et Sylmarion également, Jojo qui était là, et puis plein d'autres, hein, j'ai pas le temps évidemment de tous vous citer, mais merci beaucoup, continuez à balancer l'information, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas encore au courant, il se passe enfin un truc le soir à la radio, c'est sur Fun Radio que ça se passe, et on sera de retour dimanche en direct de Grenoble à partir de 20h sur Fun Radio, et je le répète encore une fois, demain 12h30, oui, là il est 2h, on est à Paris, demain 12h30, on sera en bas des pistes à Orcières 1850. Et c'est ça qui est bon. Normalement en tout cas. Donc voilà, donc je rappelle que si vous croisez la voiture Mickaël No Limit, n'hésitez pas à donner un petit coup de klaxon. Tous ceux qui klaxonneront, bien sûr, Toff paiera le petit déj. Ouais. Oui. Par contre, j'arrive bien après. Hein. Comment ça? Avec ma voiture du futur. Oui, bah de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé de t'attendre. Oui, mais donc j'arriverai bien après toi. Bah donc t'arriveras pas bien après puisque je suis obligé de t'attendre. Tu vas m'attendre, tu vas rouler à deux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh là, je vais rigoler là. Bah non, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, ça va être bon ça. Ah bah ouais, ouais Mickaël, à 130 sur l'autoroute, ça va être bon. Mais c'est ce que je fais d'habitude. Toujours, bien sûr. On ne voit pas de quoi tu parles. Moi non plus, oh là là. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. C'est l'âge, il vieillit. Il en a des paires de mémoire. Ça doit être ça. C'est ça, c'est un truc de dingue. Il voit les trucs qui n'existent pas. Ouais, le pauvre homme. C'est fou quand même. Parfois, je ne te vois même pas passer. Le pauvre. Oui, parce que je suis derrière, j'attends. Ah voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement, je respecte la limitation de vitesse. Ouais, ouais, ouais. Et dans c'est normal, pays, respecter pas, mais... la limitation de vitesse. Oui, bien sûr, c'est très mal de rouler de pollution là, il faut même rouler 10 à 20 km/h en dessous. Bah t'inquiète pas, c'est ce que je vais faire. Et bah j'imagine bien. Mais parce que j'ai pas le choix. Ouais, ça aussi. Sa voiture est bridée, il faut le savoir. Hein. C'est surtout ça le problème. Bon allez, passez une bonne nuit en tout cas, merci d'avoir écouté Fun et on se retrouve dimanche 20h. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies. Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à deux. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Non. Et non, c'est notre ami JB. Mec, t'as une vanne, je te censure, est-ce que c'est clair? Tu veux pas faire ça, JB, tu veux pas faire qu'est-ce ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je le vois, ça fait tout le jingle qui me regarde, qu'il est mort de rire tout seul dans son coin, là, il va dire forcément une merde. Tu vas faire une vanne de merde? Elle est chinoise, cette voiture, puisque. Voilà, hop, ça y est, c'est terminé. Heureusement, j'ai censuré la vanne. On se quitte, on se retrouve donc dimanche à 20h. Et puis là, bon courage avec lui, avec JB là. Ça va être horrible. Oh là là, courage.